Là maintenant, on écoute 21 Pilots. Voici Wide. Bon début de matinée, bon vendredi à tous. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Bienvenue sur Virgin Radio 6h. On est le vendredi 2 septembre, soyez tous les bienvenus, bon courage, bientôt le week-end. Depuis lundi, on vous a offert plus de 8000 euros de loyer, ça continue ce matin encore. Premier tirage au sort dans 20 minutes, vous continuez à vous inscrire, loyer votre numéro de téléphone au 7 12 13. Et à 6h, les infos avec Jules de Rome. Salut Jules. Salut Robin, bonjour à tous, bienvenue. Encore une belle journée ce vendredi, du soleil quasiment partout, excepté sur les pays de la Loire. Quelques averses sont d'ailleurs attendues cet après-midi sur le nord de la Bretagne. Les températures, elles vont encore dépasser les 30 degrés aujourd'hui. 33 à Perpignan et Bordeaux, 30 à Tours, 29 à Paris et Bourges. Le Gabon, toujours sous tension ce matin. Ali Bongo affirme que son élection s'est déroulée de manière totalement démocratique. Le président sortant appelle à l'apaisement. Son opposant lui dénonce une fraude massive. Jean Ping demande un recomptage des voix. 1000 personnes ont été arrêtées depuis 24 heures. Le démantèlement de la jungle de Calais va se poursuivre, annonce de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur sera d'ailleurs sur place aujourd'hui. 10 000 migrants vivent encore dans ce gigantesque bidonville. Philips va réduire ses effectifs en France. Selon les syndicats, le groupe compte supprimer 230 postes pour les relocaliser en Pologne et en Espagne. Le site de La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher va être fermé. Celui de Miribel dans l'Ain réorganisé. Coup dur pour Facebook. Le géant américain s'apprêtait à mettre en orbite son premier satellite, mais la fusée qui le transportait a explosé hier lors d'un test en Floride sur la base de Cap Canaveral. Le satellite avait pour objectif de donner un accès à Internet au pays en développement. Facebook annonce par ailleurs l'arrivée de la vidéo en direct sur Messenger avec un objectif concurrentiel. Bien sûr, Snapchat, la fonctionnalité est accessible après une simple mise à jour de votre système d'exploitation. Rentrée réussie pour les Bleus, l'équipe de France a dominé l'Italie en amical hier à Paris. Succès 3 buts à 1 des hommes de Deschamps. Martial, Giroud et Kurz Zavoas sont les buteurs. Les Français sont désormais prêts à défier la Biélorussie. Ce sera mardi prochain pour le début des qualifications mondiales 2018. Et puis l'US Open de tennis, déception ce matin pour Jérémy Chardy, sorti dès le deuxième tour. Le Français a été battu en 5 manches par le Bulgare Dimitrov. Chardy menait pourtant 2-7 à 0. Nicolas Mahut, lui, a dominé son pote Paul-Henri Mathieu pour filer au troisième tour. Chez les filles, qualification de Caroline Garcia s'est terminée en revanche pour Kristina Mladenovic. La Française a été sortie en 3-7 par la Russe Pavluchenkova. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place désormais au Virgin Tonic avec toute l'équipe, Camille et toute l'équipe sur place. Belle journée, bon réveil. Bonjour à tous, je suis Manon Claire de Plufur. On est le 2 septembre et aujourd'hui c'est la rentrée de mon petit frère. Je déclare officiellement ouverte l'émission du Virgin Tonic. Bonjour la France. Bonjour la France et bonjour Manon Claire. Camille Combal sera là dans quelques secondes. Il paraît qu'il est au bout du couloir bloqué avec le badge, mais toute l'équipe est là. Bonne rentrée à toi Manon Claire, à ton petit frère. Il rentre en quoi? En troisième, bon, ça va. Comme ma fille. En troisième aussi. Eh oui. Vous l'entendez, Laure est là ce matin. Il y a bonjour. Pauline, Ginger et Nico du bureau. Salut. Qui est parti en courant avec un badge chercher Camille, puisqu'il nous a tous appelés apparemment. On n'a pas regardé les téléphones, donc il est pas loin. Il devrait arriver. Est-ce que tu as passé une bonne soirée? Comment mais vas-tu? J'étais en train de dire que c'était pas de ta faute, Camille, que tu nous avais appelé, que t'avais ton badge, t'étais derrière, et personne n'a voulu t'ouvrir. Et non, vous l'entendez, Camille Combal. Je n'arrive pas à montrer patte blanche. Je sais pas ce qui se passe dans cette radio. Est-ce qu'il y a une tentative de putsch? On ne peut plus rentrer dans cette radio. Un coup des Russes. Oui, Clément. Oh, c'est parce que t'es de plus en plus beau, ils t'ont pas reconnu à l'accueil. C'est l'inverse. C'est le problème, c'est à 6h du mat, t'as plus la même tête, elle est décomposée. Alors moi on me parle énormément dans la rue, j'arrive de la rue, on me parle énormément de Manon Claire. Oh, on me dit Manon Claire est très sympa, faut que tu la rencontres, faut que tu lui parles. Alors qui est Manon Claire? C'est moi. Ah, comment tu vas toi? Bah très bien, de bon matin. Mais sache que t'es une star auprès de la sécu de Virgin Radio. Je vais venir vous voir alors. Ils ont un bon truc la sécu de Virgin Radio maintenant, c'est que pour être sûr qu'il nous arrive rien à Virgin Radio, ben on rentre plus. Ça veut dire qu'il vous arrivera peut-être un truc ailleurs, mais chez nous vous êtes en sécu, ça vous pouvez plus rentrer. Merci à vous. Non, voilà. C'était vraiment la phase. Non, mais j'ai vraiment des gens à l'intérieur. Vraiment, je. C'est pas mon badge, Clément. C'est une bonne excuse quand tu veux poser une journée. Tu dis, ouais, je suis venu, ils m'ont pas laissé rentrer, je suis reparti en week-end. Alors, du coup. Bien sûr, mais moi j'avais envie d'être là. Oui, ma Pauline au standard. Eh bien, moi j'ai mon badge, mais ils l'ont pas activé. Alors j'ai l'impression qu'on me veut pas trop dans la boîte. Hein. Attends, Pauline et moi, est-ce qu'on va partir ailleurs? Ah, monter le capot chaud. Quelle est Pauline? J'adore le capot chaud. Poca, capot. Nico du bureau. Ouais, tu sais qu'en fait, il y a de plus en plus de gens à la sécu de Virgin à l'entrée. Et en fait, il y a un mec toutes les 5 mètres. Mais ces mecs-là, ils te regardent galérer encore plus. C'est-à-dire qu'ils vont pas t'aider. Et tu essaies de galérer avec ton badge et tout. Et à chaque fois que tu avances de 5 mètres, il y a un gars qui te regarde, les bras croisés. Et qui dit, vas-y, galère, mec. Mais surtout, il y en a le premier, genre, il veut pas. Et celui d'après, il te connaît, mais il vient pas dire à l'autre que c'est bon. Il reste comme ça, à dire, ah, mon pote, c'est pas simple. Oui, bah, c'est comme en boîte, quand tu connais quelqu'un, je dis, non, mais je suis avec la personne. Ça me dit rien. Bah, non. Ça, on est dans le même groupe que Europe 1. Moi, il y avait Cabache qui est passé. J'ai dit, Cabache, il est avec moi. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas passé quoi. Ouais. Manon Claire, je suis très heureux de t'entendre. Alors, t'as fait la rentrée de ta fille? De son frère? Non, il rentre aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis à l'école. Ton petit frère, il rentre aujourd'hui? Oui, en troisième. Mais vous avez combien d'écart? 7 ans. Ah ouais? Ça va vite. Bah non, mais c'est vrai, c'est bizarre. Oui. Bah oui, Clément. T'as entendu le 7 ans, l'intonation de tu me donnes quel âge? Manon Claire, ma belle, alors je suis très heureux de t'entendre. Vous avez parlé des cadeaux qu'on offrait ce matin. Mais j'allais le faire. Ah bah t'allais le faire, mais il faut le faire. Ouais, mais ouais. Tu le fais tellement mieux. Bah, je retourne à la sécu, fais-le. Alors c'est très simple. On va t'offrir, Manon Claire, si tu joues avec nous au 39-16, t'as des chances de gagner un iPad mini. Wow. Ça, on l'offre ce matin. Ça, c'est sûr, ce matin, je vous le dis, je suis très agité aujourd'hui. On peut en offrir plusieurs. iPad mini. Oui, Laure. Mais on le met dans quoi, l'iPad? Tu me tentes. Ouais. Oh là là, que ça me tente. On le met dans un cartable TAN. Merci. Mais d'ailleurs, t'as dormi chez un dégât de sécu ou quoi? C'est quoi ce bouchon, toi? Hey, je vous jure, alors, je sais, en plus, vous êtes nombreux à faire ce métier-là et à nous écouter à 6h06. Laure, elle a mis un blouson de veilleur de nuit, quoi. Ça revient hyper à la mode, c'est Bombers. Mais il est vendu avec un berger allemand, pas? Et le berger allemand qui va avec. Merci. Voilà. Oh, mais là, t'as l'air en Bombers, quoi. Alors, ça, on a des iPads mini. On a, écoute bien. Tu m'écoutes bien, Manon Claire? Je t'écoute. Je suis pas sûr que tu m'écoutes. On est sûr que tu m'écoutes? Vous tous qui nous écoutez, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Très bien. Et sachez qu'on vous offre des bons d'achat à dépenser chez But. Chez But, on achète de l'électroménager, on remeuble son appartement, on remeuble sa maison, on fait plaisir à des amis. Mais toute la semaine, on vous a offert 2000 euros. Aujourd'hui, c'est 4000 euros. Oh là, ça rigole pas. Qu'on vous offre à dépenser chez But. Et ensuite, si vous êtes plus musique, mais c'est aussi à gagner ce matin, avant 9h, il y a forcément 3 personnes qui seront très heureuses, puisqu'on va également vous offrir des places pour applaudir Adèle. Où ça? À Big Apple. Oh, tu veux dire New York? New York, exactement. Concert d'Adèle, tout frais payé à New York avec la personne de votre choix. Là encore, ça se passera au 39-16. Et puis alors là, bien sûr, dans 12 minutes à peine, à 6h20, puis à 7h20, puis à 8h20, votre loyer à gagner avec chaque SMS qui augmente vos chances d'être le grand gagnant des 50 ans de loyer. C'est le 16 septembre prochain, donc n'hésitez pas, un SMS, c'est deux fois plus de chances de gagner. Justin Timberlake pour démarrer. Je refais un bisou à Manon Claire. Je vous embrasse. Bisous. Bisous, Manon. Bisous Esquimaux avec le nez. Fais-le aussi avec le nez. Bisous Esquimaux. Oui, je suis un peu enrhumé. Bisous, Manon Claire. Je t'embrasse très, très fort, ma belle. Merci d'être avec nous. Et Justin, c'est parti. Virgin Tonic. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel pretty good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. So keep dancing. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. Sauf Clément, il bouge pas les mains de la table. Il sait qu'il a pas de rythme. Il veut pas nous imposer ça. Rien taper dans les mains en synchro, il sait pas faire. Clément, merci de nous avoir choisi. Le Virgin Tonic à vos côtés. 2 septembre aujourd'hui. Courage à vous qui êtes déjà réveillés. Vous êtes aussi nombreux au travail. On parlait des veilleurs de nuit, les pâtissiers, les infirmières, les sages-femmes. Les sages-femmes, exactement. On pense très très fort à vous. Et alors j'ai une info qui m'a beaucoup amusé. Oui. Parce que c'est mon cas. Elle me concerne. Et je voudrais savoir savoir si vous aussi l'équipe et vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3916. Je la tire du magazine Marie-Claire. Oui. Ah. 40%. Parce qu'un Français sur deux, j'en fais partie. Ouais. Regarde dans l'armoire à pharmacie des gens qui les invitent quand ils sont chez eux. Ouais, c'est-à-dire, quand tu es aux toilettes ou dans la salle de bain, dès que tu vas te laver les mains, tu dis tiens, je vais quand même un peu voir l'enfant. On est curieux de ça. Ah, oui. On veut savoir comment les gens se soignent, Laure. À moi, à pharmacie et placard des toilettes. C'est ma passion. Dès que je vais chez quelqu'un, je regarde. Ah ouais? Mais oui. Tu veux savoir ce qu'il fait? Je veux savoir. Mais il y a des trucs chez les gens qu'on se permet de faire, qu'on se permet pas de faire chez nous. Bien sûr. Par exemple, moi, cet été, j'allumais toutes les lumières et ça ne plaisait pas du tout au propriétaire. Ça ne plaisait pas du tout à José. Ah oui, mais parce que, ouais. Mais c'était pas chez moi, donc. C'est pas chez toi, c'est quand même mieux quand tout est allumé. Oui. Alors chez toi, c'est pas Versailles. Hein. Voilà. Les enfants, c'est pas Versailles. Clément. Moi, j'ose pas zapper quand je suis chez les autres. Tu sais, il y a la télécommande, c'est nul, même si je suis chez un pote. Je peux pas prendre la télécommande et choisir la chaîne. Donc j'ai envie de zapper et j'ose pas quand je suis pas chez moi. Ah, t'oses pas le faire? Ben, c'est quand même un choix de chaîne. C'est une grande responsabilité. Si je mets un truc nul, tout le monde va me vanner. Moi, il y a un truc que je fais que chez les autres, c'est qu'il peut m'arriver de m'essuyer sur la nappe. Ouais. Oh, mais c'est vrai. J'adore l'or parce qu'elle fait. Ouais. En scrédasse, en scrédé. En scrédit. En scrédit. Bah ouais. Pauline. Moi, tout devient un cendrier. Même un beau pot de marguerite posé sur la fenêtre, c'est un cendrier. C'est un cendrier. Tout est cendrier. Tout est cendrier. L'œil d'un voisin, tout est cendrier, bien sûr. C'est incroyable, ça, de fouiller dans la pharmacie. Je sais bien l'or qui a mimé le mégot dans l'œil. J'ai fait le mégot. Oui. Non, mais tu risques pas de trouver grand chose en plus. C'est des cotons-tiges, des trucs, c'est toujours la même chose. Si tu fouilles ailleurs. Oh, eh ben voilà, voilà un gars qui fouille pas. Ouais. Ça, voilà. Qu'est-ce que t'as trouvé? T'es pas fouineur. Pas du non, tout. Mais tu trouves des trucs, mais rien que tu juges. Mais toi, t'en as 8 boîtes, t'es chez eux, tu tombes sur une boîte de Smecta, donc c'est fait quand t'as des petits problèmes forcément au ventre. Et t'es là, tu fais, on va manger n'importe quoi ici. Tu juges n'importe quel médicament, Nico du bureau. Moi, tu sais que c'est là que je cache tous les trucs quand je pars en vacances. Parce que je me dis, c'est là où les cambrioleurs vont jamais fouiller. Genre, par exemple, quand je laisse ma voiture, je laisse les clés de voiture dans l'armoire pharmacie. C'est vrai que, ouais, on a souvent arrêté, voilà. C'est vrai, on a arrêté le gang des postiches. On n'a jamais arrêté le gang des Soluprennes. Ouais. Le gang des pansements. Ouais, le gang des pansements. Il n'y a jamais des gars qui ont fait le tour des maisons sur la Côte d'Azur pour piquer tous les Soluprennes qu'il y avait dans la boîte à pharmacie, Clément. Non, mais il y a bien un jour où un voleur va se blesser. Et avant de partir, dire je mettrais bien un petit peu de mercurochrome. Le trésor de Nico du bureau. Ça va arriver. Jonas Blue, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Fast Car, bienvenue sur Virgin Radio. Hey, this is Jonas Blue for Virgin Radio. Tonic. Maybe together we can go somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. And now so we can fly away. We're gonna make a decision. It's a night and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. City lights stay out before us. And you all felt nice. Wrap around my shoulder and I had a feeling that I belong. I had a feeling that I could be some good. See, my old man's got a problem. Live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young, took like his mom went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and I swear in the suburb. You got a fast car. See you fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or we'll die this way. So I remember we were driving in your car. The speed so fast felt like I was drunk. City lights stay out before us. And we all felt nice wrapped around my shoulder. Excellent réveil à vous tous, bienvenue dans le Virgin Tonic 6h17. See ya Cheap Thrills, voilà ce qu'on va écouter dans un instant pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un bon réveil, vous qui êtes encore au petit déj, d'autres sont déjà au travail. En tous les cas, vous tous, je vous paye votre loyer dans un instant. Loyer au 7 12 13 par SMS, voilà comment vous inscrire. C'est vendredi, bon courage à vous, on est là jusqu'à 9h le Virgin Tonic. Tous les matins, de 6h à 9h. Virgin Tonic sur Virgin Radio. Pendant ce temps, chez Renault Service. Allô, chérie? Oui, ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Bon, du coup, je pourrais pas venir chez tes parents. Ouais, je sais, c'est trop bête. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, le coût de la voiture immobilisée, mais chez Renault Service, le véhicule de remplacement est inclus dans la révision. Ah, super. La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Renault de moins de 6 ans. Voir conditions sur Renault.fr. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Bonjour à tous, bienvenue les amis. On va jeter un petit coup d'œil sur le temps de ce vendredi avec encore une très belle journée aujourd'hui en perspective. Il va faire beau quasiment partout, excepté si vous vous trouvez près des Pays de la Loire et aussi dans le nord de la Bretagne où quelques averses sont possibles. Les températures, elles vont encore dépasser les 30 degrés aujourd'hui. 33 degrés attendus à Perpignan et Bordeaux, 30 à Tours, 29 à Paris et Bourges. Excellent réveil, très bon début de journée, les 6h18. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Famille au 71 777. Vous rêvez d'un enfant? Votre petit bébé? Envoyez famille, FAMI, 2LE, au 71 777. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Virgin Radio, partenaire de la tournée française de Joseph Salvat. Retrouvez Joseph Salvat à Paris pour un concert événement à l'Olympia le 3 novembre. Réservez vos places dès maintenant sur livenation.fr. Joseph Salvat en concert. Avec Virgin Radio. Pop, rock, electro. Trop d'interrogations quant à votre avenir professionnel ou amoureux? Envoyez CARTE, C-A-R-T-E, au 72021. C'est une analyse claire et précise de tout ce que vous souhaitez savoir sur votre avenir. CARTE au 72021. 65 centimes plus prix d'un SMS tel que passe. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Milo. Et Mozell Merlo sont les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Artistes pop, rock, electro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Excellent réveil à vous tous, 6h20. Bienvenue dans le Virgin Tonic, vendredi 2 septembre aujourd'hui. Courage à tous, le vendredi c'est plus dur. Ah oui. Il y a la semaine dans les gens, je sais, c'est plus dur pour vous de se lever. Nous on est très heureux d'être là, on vous accompagne jusqu'à 9h. Et on vous offre trois fois votre loyer, 6h20, 7h20 et 8h20. On tire au sort parmi tous les SMS reçus, loyer au 7, 12, 13. C'est parti, premier tirage. Hier, on a offert pour 2 350 € de loyer encore. Waouh, wow. Ça va à une vitesse folle. Sonne. Tu es des gagnants, je crois, cette semaine pour le moment. Non, on a pas répondu, s'il te plaît. Olivier, et oui, c'est ce que j'allais dire. Anthony. Voilà. Anthony qui a pas décroché. Vous avez bonne mémoire, c'était hier. Oui. Et là, je crois que je nous ai porté l'œil, comme on dit. Non. Oui. Bonjour Mathieu Bayot. Mathieu Bayot. Oh. C'est ça, Bayot? Bayot. Oui. Je suis désolé. Alors, bah, Mathieu, écoute, là, clairement, on est en sinistre. ça n'a pas décroché. Là, ça n'a pas décroché. Il va falloir te réinscrire. Alors, quoi qu'il arrive, pour Mathieu et pour vous tous qui nous écoutez, rassurez-vous, j'ai une très très bonne nouvelle. Chaque SMS reçu toute cette semaine, toute la semaine prochaine et encore la semaine suivante jusqu'au 16 septembre, tous les SMS, on n'en loupe pas un seul, on les enregistre. Et chaque SMS augmente vos chances d'être tiré au sort le 16 septembre. 50 ans de loyer. Oh là là. Rien que ça, 50 ans. 50 ans de loyer à 8h20, dans 15 jours maintenant, pas vendredi prochain, vendredi encore après. Ça vous laisse 15 jours pour vous inscrire. pouvez vous inscrire 10 fois si vous voulez, pas 200 fois non plus, vous ruinez pas. Mais voilà, ça vous permet peut-être d'être le gagnant des 50 ans, Clément. Si par exemple, je m'appelle Boris. Bonjour Boris. Bonjour, j'habite à côté de Perpignan. Perpignan, et très bien. C'est une belle région. Hein. C'est une belle région, mais qui grimpe. Là, j'ai un loyer qui est de 900 euros. 900 euros, ben, ça veut dire que jeudi, vendredi prochain, vendredi 16, on va y arriver, je vous ferai un chèque de 540 000 euros, Boris. Ah ben, ça me ferait très plaisir. En plus, je vous écoute et je vous aime beaucoup. Eh ben, très bien. Très bien. Les amis, ce serait fantastique. Ah ouais. C'est peut-être vous le gagnant. En tout cas, quoi qu'il arrive, on aura quelqu'un, je peux vous le jurer. Le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France, il est peut-être pour vous. Bonne chance à tous. Tout de suite, c'est Sia Cheap Thrills sur Virgin Radio. Excellent réveil, 6h22. Hi, this is Sia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Tous 6h25, bienvenue sur Virgin. Vendredi 2 septembre aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de courage. Alors à cette heure-ci, il y a ceux qui sont encore au petit-déj, il y a ceux qui sont déjà en voiture, bon, partir en travail, qui se lèvent très très tôt, sur les chantiers, tout ça, voilà, chez vous démarrer à 7h, c'est déjà sur la route. Beaucoup de courage à vous, l'équipe est là, Laure, oui, Clément, salut. Bonjour. La popo du standard, je veux la joindre popo, 3916, boum, je tombe sur elle directement. Oui. N'hésitez pas, vous êtes nombreux au standard déjà. Tiens, Laure, alors, je dois m'excuser auprès de Laure. Oui. Elle m'a demandé de le faire devant la France. Je touille mon café avec son stylo, elle supporte pas ça. Bah non, attends. Ouais. Je ramène des stylos neufs et tout, c'est pas pour les esquinter dans un café. Non mais. En prof principal, quoi. Ouais. C'est pas pour les esquinter, à un moment donné, prends soin de ton matériel. Quoi. Ou viens avec ton matos, sinon je te le prête plus. C'est aussi simple que ça. Oh, relou, mais elle devait tellement être déléguée de classe. Ouais. C'est pas possible. Oui, popo du standard. Bah, sinon, il y a des touillettes en fait, c'est plus hygiénique et puis ça sert à ça. Quoi. Oui, mais ça écrit pas. Ouais, ça énerve moins, Laure. c'est pas génial. Ah, mais tu fais souvent ça. Alors, évidemment que si j'ai une touillette, je prends pas ton stylo. Je prends le stylo parce que j'ai pas de touillette. C'est un peu comme le dictionnaire. J'ai un dictionnaire dans ma chambre. Ouais. D'accord. J'ai un dictionnaire, il m'a jamais servi en tant que dictionnaire. Alors, en quoi ? Il me sert juste à relever l'ordi quand je regarde un film dans le lit. Ah, mais de sa vie entière, j'ai jamais cherché un mot à l'intérieur. J'aurais pu acheter juste un truc qui relève l'ordi, mais non, je prends ce dico, Clément. Dans mon porte-clés, j'ai une clé d'un scooter que j'ai plus depuis 2 ans. mais il est parfait pour ouvrir le courrier sans déchirer. La clé est toute fine et du coup c'est un peu mon ouvre-courrier. Alors elle te sert plus qu'à ça. Eh ben on adapte les objets. T'as des objets qui ont plus leur utilité première, Laure. Oui, ben moi j'ai des brossettes interdentaires et je m'en sers pour me brosser les cils. Ben, en fait c'est parfait, c'est la bonne taille. En plus je les pique chez mon père, ça me coûte zéro. Ah mais oui. Quoi ? T'as acheté un truc dans ta vie ou pas ? Très peu. Il y a eu du vol, il y a eu du troc, il y a eu pas d'achat. Je vais pas te mentir. Mais c'est hyper pratique. Donc ça te sert pour les sourcils ? Les cils et les sourcils. Ah, wow. C'est la taille parfaite. C'est génial. Ouais, franchement, je suis hyper fière de ma trouvaille. On a tous des objets qui nous servent pas au truc à la base. Tiens, on va demander à Rebecca. Comment tu vas, Rebecca ? Salut Tani, salut toute l'équipe. Rebecca, ma chérie, est-ce que comme nous, sincèrement, il y a des trucs chez toi, dans ta voiture, qui avaient une utilité à la base et ils ne servent plus du tout à ça ? Bon oui, à la base, moi j'utilise l'huile d'olive et le citron pour bronzer et m'éclaircir les cheveux. Moi aussi. En fait, rien à voir avec la casserole ou la vinaigrette, mais par contre, à la fin, je suis beaucoup plus dorée qu'un poulet rôti. Ouais. Du coup, est-ce que tu fais cuire ta viande avec du Vivaldop ? Non, ce serait dégueu. Oui, Laure. Alors, je pensais que j'étais la seule dingo à faire ça, mais je suis très contente de voir que dingo. Et attends. Excuse-moi, je croyais que j'étais la seule personne assez loufoque pour faire ce genre de truc. Non, mais c'est pas possible. Ça attire les guêpes. Hein, c'est vrai. Ça attire les guêpes. Alors, tu bronzes bien, c'est vrai. Mais par contre, t'es recouvert de guêpes. Ah, mais oui, mais bien sûr. Ouais, c'est horrible. Bah oui. Ouais. Eh oui, c'est compliqué. Pauline, au standard. Moi, j'ai fait pareil tout l'été, mais j'ai une solution pour les éloigner parce que j'en ai très peur, c'est de fumer. Donc, je devais fumer tout le temps dès que j'avais du citron sur les cheveux. Donc, t'as une belle coupe, mais du coup, un cancer des poumons. Et ouais, mais les cheveux, c'est trop important. Ouais, mais t'as fumé tout l'été, quoi. Alors, comment tu la trouves, ma coupe? Alors, elle sent bien la couleur, non? J'aurais fumé un peu moins. Oh, bah écoute, j'ai des guêpes partout. J'ai pas bien le choix. C'est le problème, c'est que t'as les cheveux mais pas la voix. Nico du bureau. Non mais moi je voulais juste savoir au niveau de l'odeur comment ça se passe, parce qu'en fait l'huile d'olive quand même il y a un petit côté, je sais pas, ça sent un peu les tomates mozza, tu vois, c'est le truc que tu mets là-dessus. Donc là, c'est vrai que bon. Je vais juste je te le dis. Ici c'est pas une équipe où on critique l'huile d'olive. Ouais. Ouais, je rappelle que je suis du sud. S'il y a une réflexion sur l'huile d'olive, merci, tu quittes l'aventure. Ouais mais on peut tout critiquer, pas l'huile d'olive chez moi. On peut le dire. Oui Pauline. Et quand tu sens l'huile d'olive, c'est pas la tomate mozza, c'est l'huile d'olive la pure, la vraie. C'est pas quand tu sens l'huile d'olive, ça sent pas la mozza, ça sent la terre, la terre de mes ancêtres. Ça sent le soleil. Riche en oligos. La Puget. Celle pour laquelle mon arrière-grand-père s'est embrouillé avec le procureur de Narbonne pour la garder. Voilà ce que ça sent, la terre. Okay. Où on a grandi pieds nus, on s'est battu pour l'avoir, cette terre. Oui, Laure. Mon grand-père avait une usine d'huile d'olive. Non, c'est vrai. Ah. On est très huile d'olive aussi chez nous. C'est Puget. Non, pas du tout, non, une toute petite, c'était non, pas du tout un non, truc. Non, une toute petite où on exploitait qu'une vingtaine de personnes. Pas non plus. Max, est-ce qu'il y a un objet que tu utilises pour faire toute autre chose, toi, sois le bienvenu mon pote. Salut Camille, salut l'équipe. Salut Mathieu. En fait, c'est les balles de tennis. C'est une astuce que m'a filé mon grand-père, en fait, pour garer ma voiture dans le garage, j'ai suspendu des balles de tennis. Ah, et super. Comme ça, je sais exactement à quel moment il faut passer. Pas mal. C'est super ça. Très bonne idée. Alors Max, j'explique. C'est quand vous allez à l'avant. Alors il y en a des voitures qui ont le radar. Vous savez pour dire, vous êtes près du mur. Mais si vous ne l'avez pas, vous vous mettez une fois, vous garez parfait. Mettez une balle de tennis. Dès qu'elle touche le pare-brise, c'est que vous êtes garé parfait. Ouais. Vous voyez, malin, en avançant. Bim. Je vais te dire, Max, c'est une des meilleures idées qui a été inventée, ça. Ah ouais. Je te remercie. Ah non, mais franchement, c'est très, très, très intelligent. On remercie ton grand-père, bien sûr, Yannick Noah, qui a eu cette idée. Il est très, très, très bon. Non, mais vraiment, c'est une idée très brillante. 6h30, les amis, restez avec nous. On va écouter The Avener. Pourquoi ? Parce qu'il le faut, c'est super bien. Ça s'appelle We Go Home. Ça, c'est son pop rock électro que vous aimez. Un petit point sur l'actu, tous les matins à 6h30. Et on est reparti jusqu'à 9h dans le Virgin Tonic. On est à vos côtés. Bougez pas, on revient dans une poignée de secondes. Les infos Virgin Radio avec Jules Doremble. Bonjour à tous, bienvenue. On finit la semaine en beauté avec du soleil quasiment partout aujourd'hui, sauf sur la Bretagne où quelques averses sont d'ailleurs possibles. Les températures, elles vont encore dépasser les 30 degrés ce vendredi. 32 attendus à Marseille, 31 cet après-midi à Lyon. Il fera 29 degrés à Paris et à Strasbourg. Bernard Cazeneuve est attendu aujourd'hui à Calais. Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur le camp de migrants où 10 000 personnes sont encore massées. Le ministre a annoncé que le démantèlement sur place allait se poursuivre progressivement. Bernard Cazeneuve doit également rencontrer la maire de la ville. François Hollande, lui, appelle au calme et à la transparence au Gabon. Le pays plongé en pleine guérilla urbaine depuis les résultats des élections présidentielles. Ali Bongo, le président sortant, assure que tout s'est déroulé de manière démocratique, ce que réfute totalement son opposant Jean Ping, qui dénonce une fraude massive. 10 000 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. Le virus Zika pourrait encore faire de gros dégâts, selon une étude publiée dans la revue britannique The Lancet. Un tiers de l'humanité est menacée. 2,6 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. L'Inde et la Chine sont les pays les plus concernés. Alerte rouge en Floride. Le sud-est des États-Unis est sous la menace de l'ouragan Hermine. On craint de gros dégâts à proximité, notamment des côtes américaines. Des vents allant jusqu'à 130 km/h sont attendus. C'est un phénomène de plus en plus marqué. Les Françaises en pince pour les genoux. Et oui, une étude de l'INSEE révèle que près de 14% des femmes âgées de 30 à 59 ans vivent avec un homme plus jeune. Dans la plupart des cas, l'écart d'âge se limite à 4 ans. Ils étaient attendus, ils ont répondu présents. Les Bleus ont réussi leur rentrée hier face à l'Italie. Victoire 3-1 en amicale. Réalisation signée Martial, Giroud et Kurzawa. Rendez-vous désormais en Biélorussie. Ce sera mardi prochain pour les débuts des qualifications au Mondial 2018. Et puis on termine avec un petit mot de Formule 1, avec ce week-end le Grand Prix d'Italie sur l'autodrome de Monza. C'est près de Milan. Les premiers essais libres ce matin. Les qualifications auront lieu demain après-midi. La course, bien sûr, ce sera comme d'habitude dimanche à 14h. Le championnat du monde, lui, est toujours dominé par l'anglais Lewis Hamilton, devant bien sûr son coéquipier chez Mercedes, Nico Rosberg. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite un excellent réveil, un très bon début de journée. Tout de suite, le retour du Virgin Tonic. À tout à l'heure. Merci de nous avoir choisi vendredi 2 septembre. Beaucoup, beaucoup de courage à vous. La plupart des rentrées scolaires ont eu lieu hier. Je sais qu'il en reste encore aujourd'hui selon quelques établissements. Ben, courage aux parents, courage aux élèves. Voilà, prudence sur la route, peut-être encore au petit-déj. On pense très fort à vous. On est là jusqu'à 9h chaque matin à vos côtés avec Laure. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard. Puisqu'on est un petit peu dans la rentrée, pour la plupart vous avez rencontré vos profs hier, on a lancé un hashtag, on va le lancer même tout de suite. Hashtag nom de prof chelou. Ah. Oh là là. Dans votre enfance, oui. Dans votre adolescence, c'est tous notre cas. Mmh. Ou là, depuis la rentrée d'hier, n'hésitez pas à partager avec nous le nom de votre prof chelou. On va en lire plein tout au long de l'émission. On va se marrer avec ça. C'est dans le Virgin Tonic. On va aussi vous offrir un iPad. Mmh. Un iPad, qu'est-ce que c'est? C'est un iPhone 6 Plus avec 2 cm de plus. Voilà. Non, un iPad mini, il est magnifique. C'est le tout dernier. Hein. iPad mini 2. On en offre depuis le début de la semaine et ce matin encore dans le pack Tans, donc le cartable. L'iPad mini, il est pour vous, 3916 pour vous inscrire. On joue dans quelques secondes avec un tout nouveau jeu. Ah. Tout nouveau jeu, on va essayer ça. Vous serez obligé de partir du studio. Je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Restez avec nous, The Avener pour le pop rock électro. Et tout de suite à 6h35, comme chaque matin, c'est le Réponse à toutes, Clément l'incruste. Réponse à tout. Eh oui, le Réponse à tout de Clément Lincruz. Il va dans la rue, il pose des questions aux enfants. Et le sport, c'est très important, donc à défaut d'en faire, je pose des questions sur le sport aux enfants. C'est quoi pour vous le sport le plus débile? La gymnastique coordonnée, là où on lance les ballons, les ficelles, tout ça. Moi, pour moi, c'est la natation synchronisée. Je trouve pas le but de ce sport. C'est quoi ce sport? Bah, en fait, t'es avec un partenaire et tu dois faire des mouvements dans l'eau. Moi, c'est la marche rapide. Je comprends pas. Ils sont là, ils sont au bord de la course comme ça, mais ils peuvent pas courir. Après, ils marchent comme des poulets et tout, mais ils peuvent pas courir. Ils marchent comme quoi? Comme des poulets, avec les jambes en l'air et tout. Ils peuvent pas marcher normalement. Moi, c'est le ski de fond. C'est bizarre. Enfin, ils peuvent pas skier. Ils skient en même temps, ils marchent. J'ai vu qu'il y avait un truc où ils sautaient sur des trampolines et ils faisaient des figures en l'air. Enfin, je trouve que comme sport olympique, ça sert un peu à rien. Fais ça si tu veux t'amuser, mais sinon, bah, pas aux Jeux olympiques pour ça. La pétanque, c'est un sport qui a été créé en 1400, là. Ça a été créé par Louis XIV, la pétanque. Ah bon? Ouais, je sais pas, peut-être. Réponse à tout. Parce qu'on a réponse à tout. Merci. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Tiens, une petite info qui m'a intéressée, qui va vous concerner les filles. Elle nous vient du magazine Biba. Elle recense des études de l'université du Michigan. Michigan, États-Unis, bien sûr. Et alors attention, elle dit que les ragots entre copines, voilà pourquoi je parle des filles, c'est précisé entre copines, sont bons pour le moral et permettent de renforcer la complicité entre les personnes. Ah bah bien sûr. Alors en fait, ragoter, eh ben c'est bon pour vous les filles. Ben voilà, oui. Ça permet d'être en meilleure santé et sinon on est exclu socialement parce que les autres ne voudront plus se confier à nous. Donc on est un peu exclu. Il faut ragoter les filles. C'est horrible ce que je vous dis, mais c'est vrai, Laure. Oui, c'est vrai. Moi j'ai une super technique, c'est quand t'es fâché avec quelqu'un, tu trouves une tierce personne et tu la critiques et l'autre va la critiquer avec toi et tu te réconcilies avec la personne. C'est radical. De la critiquer avec quelqu'un d'autre, ça te réconcilie? Oui, en fait, mais critiquer à deux, effectivement, ça crée des liens, quoi. Donc, quand t'as une... Ah, d'accord. Donc, la personne avec qui t'es en embrouille, tu trouves quelqu'un sur qui balancer. Voilà. Ah, ouais, c'est une super technique. Voilà, ça détruit une troisième personne. Absolument. Ton amitié est renforcée. Non, absolument. Ouais. C'est exactement ça, oui. Ouais. On fait pas d'omelette sans casser des... oui, Pauline. Je peux te dire qu'avec Laure, on est en très, très bonne santé. Ah, ça doit ragoter. Voilà. Ça doit. Bon. Nous, on fait des ragoûts entre copains. J'adore la viande, on fera vite en mangeant, on est bien. C'est bon pour la santé aussi. Hein. Vendredi, aujourd'hui, courage à vous. C'est difficile d'ouvrir les yeux le vendredi. Rassurez-vous, on vous accompagne jusqu'à 9h. The Avener, tout de suite. We go home. Excellent réveil à tous. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on. But the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh, oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. Et à vous tous, bon vendredi 2 septembre. Vous avez choisi le Virgin Tonic, un grand merci. Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi. Et oui, dans le pop rock électro, c'est Clean Bandit que je vous ai préparé. Ah, j'aime bien. Ah, il est bien. You're gonna run. Encore un petit goût d'été. Je me suis dit que ce serait kiffant de réentendre ça. Ça va arriver. Bon réveil encore à vous. Courage à tous ceux qui ouvrent les yeux. Prudence à ceux qui sont déjà sur la route. Laure, Clément, Pauline sont là. Bonjour. Et c'est vous. C'est vous qui allez jouer tous les trois là. Okay. Les trois gougnafiers là. Restez dans le coin puisque vous allez peut-être permettre à Mona qui nous a appelé au 3916 de repartir avec son iPad mini grâce au pack TANS, les cartables. Oui. Cartables, la trousse et bien sûr l'iPad mini pour toute la famille. Et c'est Mona qui est là. Donc salut Mona. Salut l'équipe. Salut. Salut. Mona, elle est d'où la Mona? Elle est de Toulouse. Toulouse, ah. Très bien, comme Ginger. Ouais. Oui, comme notre petite voilà. Ginger des réseaux sociaux. Mona, ça va dans la vie, t'es heureuse? Ça va. Pas trop mal. On va te poser des questions de culture générale, sauf que c'est l'équipe qui va répondre pour toi. Ça s'appelle le pari d'amis, je vous explique ça tout de suite. Virgin Tonic, Clément, Ginger, Laure, Polly, Nico du bureau. Le pari d'amis. Hey, on dirait un générique de série des années 80. Le pari d'amis. Hey. Alors, Mamona, c'est très simple. Ouais. Tu vas, je vais te poser une question. D'accord, de culture générale. Ensuite, tu devras parier sur celui dans l'équipe entre Laure, Clément, Pauline, si tu penses à la bonne réponse. Il faut que je trouve un ami, en fait. Je vais te poser la question, et d'après toi, alors ils ne pourront pas du tout t'aider, hein, les amis, vous n'avez pas du tout le droit de parler. Non. Ouais. Jusqu'à ce qu'on vous demande la question, et tu devras deviner, selon toi, si tu es une fidèle de l'émission, qui dans l'équipe pourrait avoir cette bonne réponse. D'accord. On va essayer, ouais. Mona, voilà la première question que je te pose avant que tu fasses appel à ton ami. Ouais. Même si pour bien connaître cette équipe, ne compte pas trop sur eux. Quelle est la distance exacte d'un marathon? La distance exacte d'un marathon, d'après toi, qui aura la bonne réponse? Pauline, Clément ou Laure? Enfin, peut-être qu'aucun ne l'a, ils connaissent pas les questions. Ouais, c'est ce que je me pose. Je lui dis, est-ce qu'il la connaît déjà? Ben, je vais prendre Clément. Clément. Faut au moins que tu aies 3 points, Mona, hein, pour Clément, obtenir la. Clément, je compte sur toi. Hein. Clément, je te pose donc la question pour ton ami Mona. Alors, le. Quelle est la distance officielle d'un marathon? Au mètre près. Au mètre près, je ne suis pas sûr d'avoir au mètre près, mais comme le sport, c'est un peu mon dada, c'est 42,7 km. C'est une mauvaise réponse. Moi, je savais. C'est quoi, alors? 2,6. C'est faux. Non, c'est 2,2. Non, mais je vais vous le dire, peut-être, c'est mieux. Ouais, 42,195 km. Ah, là. Ouais, ça fait 2,2, ça, 5 mètres. Mona, c'est dur, ouais. Mona, nouvelle question. D'ailleurs, si toi, tu as la bonne réponse... Ne la donne pas, ça sert à rien. Il faut que ce soit quelqu'un de l'équipe qui la donne. Hein. Oui. Peut-être que je vais te poser une question à laquelle tu auras la bonne réponse. Mais je peux souffler, peut-être. Ah non. C'est le jeu question Paris d'amis. Paris d'amis, allez. Attention. Comment s'appelle... Je veux le nom exact. De l'âne dans Shrek. Film Shrek. L'âne dans Shrek. Selon toi, qui a la bonne réponse? Pauline, Clément ou Laure? Allez, je vais prendre Pauline. Pauline, voilà la question. Quel est le nom exact de l'âne dans Shrek? Jamie, eh ben c'est une bonne réponse. Ah ouais? C'est vrai? Mais non. Pas du tout. Oh, désolé, Mona. Pas de soucis. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Ziggy. Il s'appelle l'âne. Eh oui. Ah mince. Bien sûr qu'il y avait un piège. Attention. On y va avec une nouvelle question. Mona, selon toi dans l'équipe, qui peut dire combien il y a eu de films Fast and Furious? La saga Fast and Furious. Combien est-ce qu'il y en a eu? D'après toi, qui peut avoir la bonne réponse? Laure, Clément ou Pauline? Je vais prendre Laure, comme ça tout le monde aura participé de mes amis, puisque Laure... vous êtes tous mes amis. Alors Laure, j'imagine que ce n'est pas ton genre de film. Et non. Mais je dirais 7, mais vraiment, alors au hasard total. Juju, regarde. Juju, oui, vaguement, mais ouais, on suit pas, si tu veux. Mais bon, de tête comme ça, je dirais 7. Mona, tu as parié sur Laure. Ouais. Que peu de gens ont fait. Même ses parents, c'est pas sur elle qu'ils avaient misé. C'est vrai. Eh bien, ma belle, il y a eu 7 Fast and Furious. Laure te fait gagner le cadeau. C'est trop bien. Ah vraiment, on a eu de la chance là. Tu t'as sauvé l'honneur des amis. Ben voilà. Merci. C'est vraiment ta meilleure amie, ma chérie. Tu repars donc avec vous êtes tous mes amis. Avec un amour. Tu repars avec un très très beau cadeau, un pack Tans. Super, merci beaucoup. Avec l'iPad mini pour toute la famille. Je t'embrasse, ma petite Mona. Merci à vous aussi, à toute l'équipe. Bisous. Bonne journée. Bisous. Merci beaucoup, mes amis. Ciao. Passe une belle journée, ma chérie. 6h46. Bienvenue sur Virgin. Je vous le disais, Clean Bandit tout de suite. On est avec vous jusqu'à 9h. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Strolling so casually, we're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Is he? Bon réveil à vous tous, merci d'être là sur Virgin Radio. 6h48, on a plein de choses à faire dans l'émission. 4000 euros à dépenser chez But, un séjour tout frais payé à New York, les copains. Non, vous vous rendez compte? Non, mais c'est la folie. Non, c'est non mais je crois que c'est la folie, mais vous vous rendez pas compte du truc. Si, pour aller applaudir Adèle, les amis, ça, on vous l'offre là. Dans moins d'une heure, vous partez à New York, tout frais payé, la personne de votre choix. Vous allez vous régaler, c'est notre semaine de rentrée. Voilà, on voulait vraiment vous faire plaisir. On a aussi mis en place quand même le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. 50 ans de loyer. 50 ans, vous inscrivez loyer au 7-12-13, vous serez peut-être le gagnant le 16 septembre. Vous avez un crédit ou un loyer de 1000 euros. Je vous ferai un chèque de 600 000 euros le 16 septembre à 8h20. Puis vous serez peut-être déjà le gagnant de 7h20. Bonne chance à tous. Kungs, Don't You Know, voilà ce qui va arriver pour le pop rock électro. Et Kungs, d'après vous, il sera où le combien le 6 octobre? 6 octobre. Et ben, il sera au Zénith de Paris pour la plus grande soirée électro, l'électrochoc. Il sera avec Mom, avec Feder, avec Synapson. Vous allez vous régaler, les amis. Là encore des places à gagner toute la journée sur Virgin. Bon réveil, on est là jusqu'à 9h. Courage à tous. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tony. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. LP, LP. Nouveau Jonas Blue. Jonas Blue. We don't need no reason why. Le nouveau 21 Pilots. Virgin Radio. Pop Rock Electro. Je suis le dressing de chez Castorama. Et avec tous mes copains du rayon rangement, nous encourageons tous ceux qui ont des idées à aller jusqu'au bout de leur projet. Pas vrai, les amis? Oui! Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, Castorama vous offre 15% de remise sur les dressings, les portes de placard, les boîtes de rangement et accessoires de penderie. Oh, ça y est, je sens que je vous donne déjà envie de ranger. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Bonne année scolaire avec Carrefour. Alors,

pas descendre en dessous de 80 miles à l'heure. Et mais surtout dans Matrix, mais il se la pète tellement là. J'adore Matrix. Ah ouais. Bon, 2 et 3, j'ai pas pu voir parce que après il faut avoir Polytechnique. Et le 1, c'est sympa. Non, non, 2 et 3, trop. Non, non, même les réals, tu sens au milieu du 3, ils ont dit non. Moi, j'ai pas. Non. Moi, pour moi, je sais plus où j'en suis. Tu sens au milieu du 3, ils ont posé le stylo, ils ont dit ça et quoi, les gars? Faites un. Mettez-vous une ambiance, battez-vous. Il y a des épées là. On va mettre des gars là-bas, genre vous battez, on sait pas pourquoi, mais faut finir le film. Il est fini avec les studios, là on est en galère. Clément. Mais tu peux avoir un petit côté cagnuré parce que quand tu te la joues aussi, toi. Il y a des moments où tu te la joues et je trouve. Fais un truc où tu te la joues. Dani. Non, moi, il y a un moment. Il y a tous des moments où on se sent au top. Keanu Reeves, quand il est dans Matrix, ça a été le sommet de sa carrière. Moi, je sais que voilà, il y a un moment donné où je me sens au top du top. Tu sais, mais alors que t'es nul, les gens ils te regardent pareil, t'es toujours aussi grotesque, mais dans ta tête, t'es au sommet. C'est quand tu mets des écouteurs et que t'écoutes une musique un peu rap. Ah ouais. Tu vois ou pas? Tu marches pas par exemple. Mais bien sûr, un peu là. Et tu marches comme ça. Et toi, dans ta tête, t'es dans un clip d'or. Genre, dans ta tête, il y a Kanye West à côté de toi. Sauf que pas du tout, il y a ta meuf. Et t'es en train de faire comme ça. Waouh. Et voilà. Voilà. Et okay. Avec une casquette. Ah non, mais si je mets ma casquette à l'envers, là, laisse tomber, mon pote, je suis à New York. Non, mais voilà, là, c'est un moment. Il n'y a pas un moment comme ça dans la vie, Laure, où tu te sens max. Tu te sens au max. Je suis sûr que vous aussi qui nous écoutez, appelez-nous au 3916. Je suis au max quand les gens me prennent pour la sœur de ma fille. Alors là, je me la rate. Alors là, t'en as pour une semaine. Il y a des gens qui disent ça avec ta sœur, mais c'est sûr que c'est pas la. Attends, t'es magnifique, hein. Mais merci. Bon, vous avez pas mal d'années d'écart. On voit bien que t'es pas sa sœur. 60, quoi. Bon, je l'ai eu à 25 ans en même temps. Non, ça passe, franchement. Non, parce qu'il y a souvent ça, quand même. Moi, la première fois que j'ai rencontré ma belle-mère, tout de suite, c'est. Vous êtes sœur ou... Tu fais toujours le truc pour marquer le coup, quoi. Non, mais là, c'est vraiment, on croit vraiment. Ouais. Okay, très bien. Ok, Clément. Moi, je me la raconte quand au bureau, ils regardent des sketchs en anglais. Moi, je parle très mal anglais, mais que je fais semblant de comprendre et que je fais. Et que je rigole au bon moment. C'est énorme. What about? And so what? On va demander, tiens, il y a Valérie qui est avec nous au 3916. Salut Valoche! Salut Camille, salut toute la Salut! Ma Valochasse, dis-moi tout, est-ce qu'à un moment donné, il se passe un petit truc dans ta vie, je sais pas, peut-être en sortant de la mer, je ne sais guère, un moment où tu te sens max, tu te la pètes de ouf dans ta tête? Alors non, moi c'est au resto. Toi, genre, on demande de goûter le vin. Je le goûte et je sais. Bon, il est un peu bouchonné, mais non, il passera bien avec la viande. Ah non, en fait, je me la pète trop. Il y a un moment très triste dans la vie, c'est quand tu crois t'y connaître un peu en vin, il y a le vin a un petit goût de bouchon, enfin, tu penses. Tu le fais renvoyer, enfin tu dis je suis désolé, il a un goût de bouchon, il te ramène une autre bouteille et elle a le même goût. Oui. Et tu dis non, bah, c'est le goût du vin en fait. Et tu peux pas renvoyer en disant non, en fait la première allait, hein, je suis désolé monsieur, tu peux pas, t'es obligé de faire, mais c'est beaucoup mieux. Dans ta tête, tu te dis mon dieu, mais je suis une catastrophe, Clément. Je rêve, j'y connais rien en vin, mais je rêve de faire un vrai scandale un jour, tu sais, juste de goûter et de faire vous êtes sérieux là, chérie, prends tes affaires, on s'en va. Pour pas payer ça. Damien, mon bichon, est-ce qu'à un moment donné où tu te la pètes de dingue, enfin pas tu te la pètes d'ailleurs, juste comme moi quand j'ai du rap, tu te sens cool. À un moment donné, tu te sens max, quoi. Salut Damien. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut mon pote. La pêche. Ouais, mais écoute, moi j'ai la pêche et je me la raconte le matin après m'être rasé. Dès que j'ai mis l'aftershave, je me regarde dans la glace, je relève la tête, je fixe dedans et là je me la pêche, je me sens bien. Ah ouais. Le lever de regard. C'est ça. Comme dans les pubs. Tu sais pas pourquoi, tout est normal, mais quand tu t'es rasé et que tu relèves la tête, t'as la musique comme Pattinson, ça y est, dans la pub Dior, oui, là. Oui, exactement. T'es à fond, quoi. Oui, Laure. Ça me fait exactement le même truc. Quand tu te rases. Quand Juju se rase, j'arrive derrière lui, tu sais, je l'attrape comme ça, comme dans la pub de Ménen. J'ai l'impression d'être la femme, tu sais, de l'homme parfait, quoi. Eh ouais. Et lui, il dit quoi? Va coucher ta sœur. Bah dis donc. Tu me dis qu'on te prend pour la sœur de ta fille. Mais non, il est content quand je fais ça. Bien sûr. Nico du Burlingue. Je comprends pas l'intérêt de l'aftershave en fait. Ça, pour moi, c'est qu'un truc qui pique. Genre, alors, comme normalement, j'ai raté l'avion quand il se met, tu sais, l'aftershave. Ouais. Je comprends pas. Je suis d'accord, en fait. C'est un film avec lequel on a grandi. Mais je suis d'accord, l'aftershave, j'ai jamais compris le truc. Ça sert à quoi, Damien? Ça sert à adoucir la peau. Non, ça sert pas à ça. Ça sert juste à le mettre et à relever la tête. On sait pas à quoi ça sert, les mecs. Mais dans notre tête, il y a ça. Who needs me? Voilà, c'est ça le chiffre. Ouais, j'ai du Fabergé Brut 33. Et alors, je cherche la castagne. Merci mon Damien, merci ma petite Valoche d'être avec nous le matin. Vous êtes très nombreux déjà au standard. 7h, on fait un point sur là-dessus. On a le son de Punks qui arrive. On a plein de choses à vous offrir. On est très heureux d'être avec vous. Dernier jour de la semaine. Courage, on est là jusqu'à 9h à vos côtés. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Jules Deremble. Bonjour à tous, bienvenue, encore une très belle journée aujourd'hui, du soleil quasiment partout excepté sur les Pays de la Loire, quelques averses également attendues dans l'après-midi sur la Bretagne. Les températures, elles vont encore dépasser les 30 degrés aujourd'hui, 33 degrés attendus à Perpignan et Bordeaux, 30 degrés à Tours, 29 à Paris et Bourges. Le démantèlement de la jungle de Calais va continuer, annonce de Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place aujourd'hui. Il doit rencontrer la maire ainsi que les commerçants de la ville pour évoquer la situation sur place. Plusieurs associations assurent que 10 000 personnes vivent encore dans le bidonville. La situation est toujours très confuse. Au Gabon, deux jours après le résultat des élections présidentielles, Ali Bongo, le président sortant, assure que tout s'est déroulé de manière démocratique. Ce que réfute totalement son opposant Jean Ping, qui dénonce une fraude massive. 10 000 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. François Hollande appelle au calme et à la transparence. Le virus Zika pourrait encore faire de gros dégâts selon une étude publiée dans la revue britannique The Lancet. Un tiers de l'humanité est menacée. 2,6 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. L'Inde et la Chine sont les pays les plus concernés. C'est un phénomène de plus en plus marqué, les Françaises en pince pour les genoux. Et oui, une étude de l'INSEE révèle que près de 14% des femmes âgées de 30 à 59 ans vivent avec un homme plus jeune. Dans la plupart des cas, l'écart d'âge se limite à 4 ans. Coup dur pour Facebook, le géant américain s'apprêtait à mettre sur orbite son premier satellite, mais la fusée qu'il transportait a explosé hier lors d'un test en Floride sur la base de Cap Canaveral. Le satellite avait pour objectif de donner accès à Internet aux pays en développement. Facebook qui annonce par ailleurs l'arrivée de la vidéo en direct sur Messenger avec un objectif concurrencé, bien sûr Snapchat. La fonctionnalité est accessible après une simple mise à jour de votre système d'exploitation. Ils étaient attendus, ils ont répondu présent hier soir. Les Bleus du foot ont réussi leur rentrée face à l'Italie. Victoire 3 buts 1 en match amical. Réalisation signée Marcel, Giroud et Kurzawa. Rendez-vous désormais en Biélorussie. Ce sera mardi prochain pour les débuts des qualifications mondiales 2018. Et puis rapidement, un petit mot de Formule 1 avec ce week-end le Grand Prix d'Italie sur l'autodrome de Monza. Les premiers essais libres ce matin. Les qualifications auront lieu demain après-midi. La course sera bien sûr dimanche. Le championnat, lui, est toujours dominé par l'anglais Lewis Hamilton sur sa Mercedes. Excellente journée à tous. Merci de nous avoir choisi. 7h03, le Virgin Tonic, votre rendez-vous tous les matins sur Virgin Radio. On est là à vos côtés entre 6h et 9h avec Laure, avec Clément. Bonjour. Avec notre petite Pauline du standard qui attend tous vos appels au 3916. Courage à vous tous, peut-être déjà en voiture pour partir au travail. D'autres sont arrivés. Certains ont encore la chance d'être sous la douche. Merci en tout cas de vous réveiller avec nous. On a le plus beau cadeau. Toute radio confondue depuis la création de la radio. Ça n'a jamais été offert un si beau cadeau. Je me dis vraiment sincèrement, il suffit de m'envoyer un SMS pour avoir une chance d'être tiré au sort. Loyer au 7-12-13. Écoutez ce qu'on vous offre en exclu le 16 septembre à 8h20. 50 ans de loyer. Oh, vous rêvez pas? Vous n'avez pas la berlue des oreilles. Vous avez bien entendu, 50 ans de loyer. Vous avez un loyer de 1000 euros. Une mensualité de crédit, ça marche aussi si vous êtes proprio. De 1000 euros. Je vous ferai un chèque de 600 000 euros vendredi 16 septembre. Inscrivez-vous donc. En plus, ça vous permettra aussi de gagner pour les 1 mois de loyer qu'on offre tous les matins à 7h20 dans quelques minutes. Le hashtag aussi, hein. On va lancer un hashtag. Laure, quel est le hashtag? Je savais que je la piégerais. Je l'aurai. Nom de prof chelou. Oui. J'adore parce que Pauline, elle lève la main, genre en bon élève. Je sais, moi. Venir vers moi. Je suis au courant de l'émission. Je peux tasser. Hashtag bon prof chelou. Alors, rentrée hier pour la plupart des élèves. 12 millions d'élèves étaient concernés. Donc, n'hésitez pas. Vous avez rencontré un nouveau prof qui a un nom chelou ou même un truc d'enfance. J'en ai moi. Que vous aviez eu quand vous étiez au collège. On partage ça tous ensemble. Il y en a déjà des très très drôles en train d'arriver. On vous rappelle donc au 3916. Et avant, je voudrais qu'on parle de couple. Ah ouais? Avant, je voudrais qu'on parle de couple. J'ai vraiment une info incroyable. Oui. Elle a été réalisée par un magazine psychologique anglais. Donc c'est sérieux, quand même. Non mais sans blaguer, je vous promets que tout est sérieux. Elle va peut-être changer à vie les soirées avec votre chérie. Ah. Mm-hmm. Elle montre que les mariages les plus solides, selon cette étude, les mariages qui durent dans le temps, qui sont forts, cimentés, c'est ceux où les époux prennent des cuites ensemble. Ah mince. Alors, ça vous étonne moins que ce soit une étude anglaise. Oui, c'est vrai. Il faudrait éviter les situations où des conjoints boivent alors que l'autre reste totalement sobre à côté, même dans la même soirée. Ouais. Il faut prendre des cuites ensemble, ça renforce les liens. Laure ne boit pas. Bah non, je suis embêtée. T'es en ça galère, tu vas te séparer. Non. Tu vas te séparer. Bah non, j'espère pas. Eh ben écoute, moi non plus. Mais en tous les cas, il faut boire. Je vous encourage en couple, hein, en couple, Clément. Après, je sais pas si tu le dis, il faut peut-être pas le faire tous les jours. Non, ouais, voilà. un jour sur deux, tu vois, faut alterner. Mais non, le week-end, mais quand vous faites la fête, faites-le avec votre chérie, buvez avec. Parce que quand il y en a que un qui boit, il y en a un, tu rentres, oui, mais t'as trop bu et tu t'embrouilles. Ouais. Si les deux ils sont dans le même état et quelqu'un les ramène, ils se disent, mais t'as trop bu, bah toi aussi, oh chérie, hop, et tu vas. Il y a les embrouilles, c'est tous les mecs dès qu'on est beau, on fait arrête de tourner autour de ma femme. Arrête de tourner autour de ma femme. C'est moi ta femme. C'est un tour pour moi. Tu te galères. Mais bon, en tous les cas, au moins le mariage durera, ça c'est plaisir. Vous aurez peu de souvenirs de votre mariage, mais il durera très très longtemps. 7h07, les copains, si on passait à la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf, Clément ouvre un répondeur chaque jour et on écoute vos messages. Et avant de parler des noms bizarres de professeurs, on va s'intéresser aux phrases que tous les profs vont entendre dans la bouche des élèves aujourd'hui. Madame, j'ai plus de place sur ma feuille. Bah t'as qu'à écrire sur la table. Mon emploi du temps est pourri, j'ai direct 2 heures de maths le lundi matin et 1 heure de perm le vendredi. Mais t'aurais pas un stylo? Mais j'ai rien fait. Bah c'est bien ce qu'on te reproche, mon petit. Monsieur, vous avez pas entendu, mais ça a sonné. Bah ouais, on essaie toujours de gratter 2 minutes de pause en plus. Eh, t'aurais pas une feuille? Madame, on a trop de travail. Pauvre petit. Vous savez, ça va être de pire en pire chaque année jusqu'à votre retraite. Eh, t'aurais pas une copie double? Mais je comprends pas, ça nous servira à quoi plus tard le théorème de Pythagore? Tu sais, maman, t'es pas obligée de m'accompagner jusqu'au bout, hein. Je suis un grand, je suis à l'école maintenant. Alors moi, la question que j'ai le plus entendue en tant que prof, c'est « Madame, je peux aller faire pipi ?» Eh ben franchement, j'aimerais bien un jour dire non pour voir s'ils vont vraiment se pisser dessus à force. Question de ouf. Merci pour tous vos messages, les amis. 7h08, c'est Kungs dans Tuno qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil à tous. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Virgin. I'm gonna 7h10. Pas trop chaud la douche les copains, si vous êtes encore sous la douche, soyez prudents, attention, mettez comme l'or une baignoire avec une portière, vous savez, alors, tubes, pour pas se blesser de la hanche, bien sûr, et courage à ceux qui sont déjà en voiture les amis, l'équipe est là, Laure oui. Clément, oui. La popo du standard, hier rentrée pour la plupart des gens, oui. Voilà, 12 millions d'élèves étaient concernés, on en a beaucoup parlé, mais on rencontre des nouveaux profs, oui. On a toujours des anciens profs, des trucs, des gens qu'on recroise, et il y a des nouveaux profs, on s'est dit... Est-ce que, comme nous, vous avez eu des noms de profs marrants, chelous, un peu bizarres? On a lancé le hashtag réagissez hein, sur Twitter, Facebook. Hashtag nom de profs chelous. Alors, ceux qui ont été concernés hier, mais nous, on a plus parlé de... Bon, on n'a pas fait de rentrée scolaire hier. Hein. Si vous nous entendez le matin, vous savez que ça fait bien longtemps qu'on n'est pas allé à l'école. Mais voilà, on en a tous eu. Moi, je sais que, par exemple, j'avais... c'est quand même complètement dingue, mais c'est vrai. J'avais une prof de maths qui s'appelait Madame Français. Ah oui. Oh, c'est mal, ouais. Français, quoi. C'est génial. Ça s'écrivait pas pareil, hein, mais je veux dire, ça se disait... Madame Français, s'il vous plaît, elle était prof de maths. Pas mal. Je m'appelle, mais si moi, je m'appelle Madame Math, je fais des maths. Non? Ouais. Ah bah, si t'as l'esprit contradiction, non? Bêtise, oui, Pauline. Si t'avais oublié tes affaires de maths, tu pouvais dire que tu pensais que t'avais français. J'ai jamais pensé à la faire. Ouais. Bah ouais, quand tu dis on a français, tu parles souvent de la prof, c'est ça? Ah, c'est génial. Bah oui. Qui avait un nom de prof chelou? Bah, je suis dégoûté de pas l'avoir eu avant. Qui avait? Alors, on a tous au moins un nom de prof marrant, ouais, Laure. Ouais. Prof de maths aussi, Madame Elbez. Ah ouais, là c'est dur. Je peux dire qu'elle a entendu des vertes et des pas mûres. Et quand t'oubliais tes affaires de maths, tu pouvais dire bah non, j'ai le baise. Ah bah non. Et non. Autant pour moi. Bah, j'ai pas la blague. Pauline au standard. Non mais elle, la pauvre, c'est pas juste en tant que prof, ouais, c'est toute une vie quoi. C'est dur dans ton ouais, bah ouais. Bah ouais, c'est dur. À part le porno. Ouais, ou là, ça tombait. Bah, ça tombe pile. Ouais, voilà, à un moment donné. C'est pareil que pour maths. Mais je suis désolé, t'appelles elle, tu fais du porno. C'est ça le truc Clément. Moi j'avais Robert Williams. En anglais on l'appelait Robbie. C'est classe de s'appeler vraiment. C'est un nom chelou mais Robert classe. Williams. Robert Williams. C'est énorme. Et ça devait, on disait, on l'appelait tous Robbie évidemment, mais Robbie il ressemblait plus. C'est pas une blague à Serena Williams qu'à Robbie Williams. Il ressemblait plus à une poire Williams. qu'à Robert Williams. T'avais qui toi Pauline au standard? Moi j'avais Madame Foiré en SVT. Merci. Et du coup quand je ratais mes contrôles, ce qui arrivait extrêmement souvent, parce que je voulais pas découper les bêtes et tout ça. Je lui disais, bah désolé, j'ai foiré. J'avais pas de bonne note. Voilà. Bah tu vois, ça marche mieux que français, madame. Ouais. C'est dommage. Léo, mon bichon, bienvenue au 3916. Alors merci de nous avoir répondu sur les raisons, on te rappelle au 3916. Dis-moi, mon Léo, est-ce que t'avais toi aussi un nom de prof chelou? Ouais, carrément. Salut les amis. Salut. Moi, c'était Monsieur Pingon. Et en plus, il était tout le temps habillé en costard. Donc je te dis pas, lui, il a ramassé toute l'année. Monsieur Pingouin? Ouais, Pingon, c'était. Pingon, parlons de Pingouin, quoi. Eh ouais, mais ça, c'est pareil, ça. C'est déjà, ouais, quoi que tu fasses, tu prends des vannes. Bah oui. Ah, mets des survettes, fais prof de PS. Voilà, tu viens en survette, Clément. Non, mais les conseillers d'orientation, dès que t'es ado, ils te le disent. Ils regardent ton nom de famille, ils font, vous avez un nom à être prof. Tu sais, il y a vraiment des noms de famille qui sont faits pour les profs. Ouais, d'accord. C'est clair. Tiens, un nom parfait de prof? Grandjion. Grandjion, mais tu peux pas. Grandjion, tu sais, tu viens pas footballeur. C'est pas but de Grandjion, c'est toujours. On a Grandjion en 4 ans. On a Grandjion, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, autant, c'est sûr, mais ça, c'est vrai. Il y a jamais de footballeur Grandjion. Ibrahimovic. Footballeur. Bah, t'as déjà eu j'ai monsieur Ibrahimovic en français? Non. Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Ça déjà arrivé. Je ne crois pas. Paulo César. J'ai Paulo César en maths. Non. Il marque des buts au FC Séville. Paulo César. Pas tout faire. Oui, non. Moi, j'avais Madame Kirkpatrick en anglais. Quoi? Kirkpatrick. Kirkpatrick? C'est un nom de prof, ça? Kirkpatrick, pas du tout. Non. Ah non, c'est un nom de cocktail. C'est clair. Mais c'est pas du tout. Je vais prendre une caille pérignasse. Nom de prof, non? Ah non, ça fait le. Et vous aussi, continuez. On a plein de monde au standard 3916. On vous rappelle, vous inscrivez sur les réseaux. Donnez-nous le nom de prof un peu chelou que vous avez rencontré voilà, pendant vos études ou là, depuis la rentrée d'hier. Manzel Merlov. Ben voilà, un nom de prof allemand. Il va arriver dans un instant pour le pop rock électro. Je vous paye votre loyer dans 2 minutes. Bougez pas. Avec Léa, très à l'aise à la piscine. Oui, sans doute grâce à ses lunettes de natation Nabeji X-Base. Dotées de joints très souples, ses lunettes sont confortables et parfaitement étanches. Léa qui exécute une magnifique longueur en papillon. Un véritable papillon dans l'eau. Un véritable poisson dans l'eau, non? Ça dépend des points de vue. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les lunettes de natation X-Base de Nabeji à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. En ce moment, c'est le Happy

Radio, à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à tous et bon réveil, 7h21 sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, c'est le bon moment. Vous avez bien fait d'ouvrir les yeux maintenant. C'est maintenant qu'on vous offre votre loyer. On l'a déjà fait à 6h20. On a eu. Mathieu, mais on l'a pas eu. Eh oui, on n'a rien offert. Hier, 2 350 € de loyer offert. C'est parti. Deuxième tirage au sort, peut-être pour le premier gagnant, la première gagnante. Parmi tous les SMS reçus, loyer au 7, 12, 13 avec votre numéro de téléphone. On vous rappelle en direct. 6h20, 7h20 et 8h20, on vous pose la question, quelle est la seule radio qui vous paye votre loyer? Pas de piège, on est les seuls, vous dites Virgin Radio, c'est gagné. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est avec nous? Nadège Aurieux. D'accord, Nadège, ma chérie, j'ai une question pour toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Nadège, boum, pleine lucarne. Ouais, bah c'est clair là. Bravo ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je suis éducatrice libérale. T'éduques des gens pour qu'ils soient libres. C'est ça l'idée. Se transforme en oiseau. Oui, bah, j'accompagne des jeunes en difficulté. Eh ben je sais, c'est un beau métier ma belle. Nadège, tu viens de quel coin? Thiers, dans le 9. Dans le 49 dans le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, d'accord, très bien. Oui. Et Manadège, en Maine-et-Loire, t'as un loyer de combien là-bas? De 905 €. Pardon, ça coupe. 905 €. Oui. 905 €. Je connais bien le Maine-et-Loire, je connais tous les loyers. Là-bas. Eh ben ma chérie, c'est gagné pour toi. On te fait un chèque, alors c'est important, un chèque du montant de ton loyer, 905 €. Tu le dépenses comme tu veux, t'en fais ce que tu veux de cet argent, et puis c'est gagné pour toi. Et en plus, ton SMS est enregistré comme tous ceux qui nous ont envoyé un SMS depuis lundi matin pour ça. 50 ans de loyer. Manadège, peut-être toi ou l'un des personnes en train de nous écouter gagnera 50 ans de loyer vendredi 16 septembre à 8h20. Dans 15 jours à peine, voilà, on aura un gagnant pour ce plus grand cadeau jamais offert sur une radio. Je le répète, mais c'est quand même dingue d'offrir une somme pareille. Complètement. Par exemple, si je te reprends au téléphone, Nadège, avec un loyer de 905 €, je te ferai un chèque de 543 000 €. Waouh! Ouais. C'est pas mal, hein? Oui, plus que pas mal. Eh ben écoute, je te souhaite bonne chance, ma belle. En tout cas, déjà, félicitations pour ton loyer gagné là à 7h20. Et vous en faites pas, hein, vous tous qui n'avez pas été tirés au sort, vous m'avez pas envoyé de texto pour rien ce matin. Restez avec nous, Manzel Merlov. Et un dernier tirage pour le loyer, c'est à 8h20, dans une heure. Bon réveil sur Virgin. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Should have gone home. How hard can it be to say no? Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. Pourquoi chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau? Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. I should've gone home. vendredi à tous, bon courage. Bientôt 7h30, vous êtes sur Virgin Radio. Bientôt, hein, le bientôt est important. Je sais que chaque minute compte le matin. Il est 7h26 exactement, 7h30, un point sur l'actu comme tous les matins. Puis, le réponse à tout quand on descend dans la rue, poser des questions aux enfants. Mais pour le moment, on parle rentrée. Alors, la plus grande des rentrées, c'était hier. Mais alors, il y en a encore. Comment on dit? Tes beaux-fils, les enfants de Juju, ils rentrent quand alors? Comment on dit? Eh oui, c'est ça. Comment on dit? Beau-fils, belle-fille, oui, mais dans l'autre sens. Alors, ben, pour toi, comment ils t'appellent, non, toi, la relou? Par exemple, entre... Ben non, mais t'es... Machin. Non, mais entre les enfants, comment on les appelle? Ça, j'arrive pas à trouver Je sais pas, non. Ouais. On cherchera. Bah, peut-être essayer leur prénom, peut-être. Ouais. Essayer les prénoms. C'est souvent pour ça qu'on leur donne un prénom. En tous les cas, voilà, je sais qu'ils rentrent aussi aujourd'hui, c'est tout un petit peu décalé. En tous les cas, on s'est dit, tiens, si on parlait des noms de profs chelous qu'on a eu pendant notre scolarité, on en a tous donné un. Ouais. Et vous aussi, vous êtes très nombreux à vous inscrire sur Facebook, sur Twitter. On vous rappelle au 3916. On a Quentin, tiens, qui est avec nous. Bonjour Quentin. Salut Camille. T'as quel âge, mon Quentin? J'ai 11 ans. 11 ans, t'as fait ta rentrée hier en quelle classe? En 6ème. En 6ème, est-ce que t'as eu, ou même par le passé, est-ce que t'as un nom de prof chelou à nous donner? Ouais, j'en ai deux. Alors, en premier, j'ai eu ma prof d'histoire géo, c'est Madame Castagne. Madame comment? Castagne. Castagnette. Oh, c'est génial. Pareil, fait espagnol. Mais quoi, oui, mince. Soyez pas têtu comme ça, quoi. Oh, c'est une prof d'histoire. Mais je sais, une prof d'histoire. Et quoi d'autre? J'ai Monsieur Pecno. Il est prof de techno, bah, j'adorerais avoir des cours de Pecno. Non, mais il est vraiment prof de techno. Il est prof de techno. Oui. Non, non, c'est génial. T'as Pecno en techno. Des profs de Pecno, quoi. Oh, c'est génial, génial, ça. Mettez la cigarette sur l'oreille, les gars. C'est important. Ensuite, demain, attention, vous venez tous avec votre blouson cuir en daim. Avec des franges. Oui, c'est bon. Fabrice, on avait dit nuque longue. Oui, dans le sketch, les élèves s'appellent Fabrice. Allez, je rends les copies sur la coupe mulet. Attention, par contre, mais c'est génial. Attention, on va voir Marina. Tiens, Marina, ma chérie, bonjour. Salut Camille, salut à tous. Salut ma belle. Est-ce que toi aussi, t'as eu un nom de prof chelou? Bah oui, moi j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Grand Mollard. Oh, oh dur, dur. Et le pauvre, à chaque fois qu'il se tournait, tout le monde faisait des bruits de faux crachats, c'était horrible. Oh, c'est horrible. Et t'imagines que toi, t'as arrêté l'école depuis combien de temps, Marina? Ça fait un petit moment. Eh ben, tu vois, que depuis tout ce temps, ça doit continuer pour lui. Ouais. Chaque jour. Oui, Pauline au standard. Moi, j'ai une copine, elle s'appelle Marion Moukir. T'imagines Marion Moukir avec Monsieur Mollard? C'est horrible. Une classe. Il y a un jeu de mots? La galère. Mais Moukir. La Moukir. C'est quoi? Ah ben voilà. Ben, la non. Moukir, c'est ce que t'as des fois quand t'es un petit peu malade. C'est l'Arnoun. Ah. Chacun a un nom dans les régions. Ouais. Tu connaissais pas? Bah, je connaissais l'Arnoun. La Morve. Oh là là, cette lore alors. Annabelle, ma chérie, est-ce que t'as eu un nom de prof chelou toi aussi? Salut ma belle. Salut tout le monde. Salut. Dis-moi tout, c'est quoi salut ma belle? T'as quel âge déjà? J'ai 13 ans. Oula, le bel âge ça. Hein. Attention, hein, mollo sur les concerts. Hein. T'es en quelle classe, ma belle? En quatrième. En quatrième, attention. T'as pris quoi en LV2? En quatrième 1. Non, mais en LV2? Ah, j'ai appris espagnol. Ah, espagnol. Ouais. Ah, bah, faudrait que t'es Madame Castagnette. Alors, dis-moi, Annabelle, c'est quoi ton nom de prof chelou? J'ai, j'en ai deux. J'ai Madame Poula, donc forcément elle me saoule. Ah bah ouais. Normal. J'adore. Après j'ai Madame Pachico, donc ça me fait penser à un autre Pokémon pendant. Il y a des élèves qui l'ont attrapé déjà ou pas? Comment? Non, rien. Et ma petite Annabelle, c'est la première, c'était quoi? Madame Soulard. Madame Soulard, ouais. C'est dur. Oui, Ginger. Moi, j'avais un monsieur Charlot en maths, il a pris très cher aussi. Ah, mais c'est horrible. Charlot, c'est difficile. Hein. T'es dur, hein? Bah ouais, mais bon, on choisit pas son nom. Hein. Et ta copine, comment? Moukir? Marion Moukir. Elle a déménagé, hein. Elle est plus en France. Hein. C'est difficile. Annabelle, ma chérie, je t'embrasse très très fort. Reste avec nous, 7h30, un point sur l'actu. Coldplay dans un instant. Voilà Siri pour le pop rock électro. On a plein de choses encore à faire avec vous. On est à peine à mi-chemin. Bon courage, on est à vos côtés jusqu'à 9h. Virgin Radio. Les infos. Info Virgin Radio avec Jules de Ramble. Bonjour à tous, bienvenue. Il va faire encore beau et chaud aujourd'hui. Ciel bleu sur l'ensemble du pays, excepté sur la Bretagne où quelques averses sont possibles cet après-midi. Comme hier, c'est dans le sud qui va faire le plus chaud aujourd'hui. 32 degrés attendus à Perpignan, 31 à Biarritz, 29 à Paris et Strasbourg. Visite sous très haute surveillance pour Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais. Il sera bien sûr question du camp de migrants où quelques 10 000 personnes seraient encore massées. Le ministre a annoncé que le démantèlement de la jungle allait se poursuivre par étapes. Bernard Cazeneuve doit également rencontrer aujourd'hui la maire ainsi que plusieurs commerçants de la ville. François Hollande lui appelle au calme et à la transparence au Gabon. Le pays plongé en pleine guérilla urbaine depuis les résultats des élections présidentielles. Ali Bongo, le président sortant, assure que tout s'est déroulé de manière démocratique, ce que réfute totalement son opposant Jean Ping, qui dénonce d'ailleurs une fraude massive. 1000 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. Le virus Zika pourrait encore faire de gros dégâts selon une étude publiée dans la revue britannique The Lancet. Un tiers de l'humanité est menacée. 2,6 milliards de personnes vivent dans des zones à risque. L'Inde et la Chine sont les pays les plus concernés. Les Français seraient-elles devenus des cougars? Une étude de l'INSEE révèle que près de 14% des femmes âgées de 30 à 59 ans vivent avec un homme plus jeune. Dans la plupart des cas, l'écart d'âge limite à 4 ans. Rentrée réussie hier pour les Bleus, l'équipe de France a dominé l'Italie en amical à Bari. Succès 3 buts à 1 des hommes de Didier Deschamps. Martial, Giroud et Kurzawa sont les buteurs. Les Français qui sont désormais prêts à défier la Biélorussie. Ce sera mardi prochain pour les débuts des qualifications mondiales 2018. L'US Open de tennis, déception pour Jérémy Chardy, sorti ce matin dès le deuxième tour. Le Français a été battu en 5 manches par le Bulgare Dimitrov. Chardy menait pourtant 2-7 à 0. Nicolas Mahut, lui, qui a dominé son pote Paul-Henri Mathieu pour filer au troisième tour. Chez les filles, qualification de Caroline Garcia. C'est terminé. En revanche, pour Kiki Kristina Mladenovic, la Française a été sortie en 3-7 par la Russe Pavluchenkova. Puis il y a aussi de la Formule 1 ce week-end, le Grand Prix d'Italie, bien sûr, sur l'autodrome de Monza. Les premiers essais libres ce matin. Les qualifications auront lieu demain après-midi. La course sera dimanche. Le championnat, lui, est toujours dominé par l'anglais Lewis Hamilton. Excellente journée à tous. Tout de suite, le retour du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, on est là tous ensemble bien sûr, vendredi 2 septembre, merci vraiment d'être là avec nous chaque matin, plus nombreux, vous qui êtes en voiture, peut-être déjà en train de partir au taf, en train de déposer les enfants à l'école, ça oui. y est, oui. depuis hier ça redevient votre quotidien, on pense très très fort à vous, Coldplay qui va arriver pour le pop rock électro dans un instant, vous rêvez de partir à New York? Oui. Et bien vous partez avec Adèle. Elle a besoin d'un plus 100. Et ben ce sera vous. Les amis, Adèle sera en concert dans quelques jours à New York. Le concert est complet. On vous a trouvé 2 places. Et en plus, on vous envoie tout frais payé à New York. À applaudir Adèle. C'est un très très beau cadeau. On vous l'offre dans quelques minutes. Vous pouvez vous inscrire maintenant au 3916. On vous souhaite bonne chance à tous. 4000 euros aussi à dépenser dans la magasin But. Ça, c'est avant 9h. Génial. 4000 euros, les amis. C'est génial. C'est un énorme. Appart, hein. Mais c'est énorme. Merci. Merci encore au magasin But de nous faire un cadeau pareil. C'est incroyable ouais. d'offrir un cadeau comme ça. Les amis, j'ai une info pour vous. Oui. Écoutez bien. Oui. Un homme a fait ce qu'aucun homme n'a jamais osé faire. Il a abandonné sa femme sur le bord de la RN102 parce qu'elle avait trop critiqué sa conduite. Oh non. Ah ouais. C'est complètement incroyable. Alors franchement, je trouve ça horrible. Hein. C'est horrible. Au-delà de la blague, vraiment, je trouve ça affreux. Mais en gros, elle a rejoint le commissariat de Puy-en-Velay. Ils ont dû appeler la famille de son mari pour le convaincre de faire demi-tour. Mais non. Jean-Louis, tu es incontrôlable. Retourne chercher Corinne. Tu fais n'importe quoi. Il supportait. Ouais, elle conduit pas comme ça ou quoi. Ce que vous avez tendance à faire, mais enfin, peu importe, on discute. Mais là, il l'a laissé au bord de la route. Il a dit, ça te va pas la conduite, tu restes ici. C'est incroyable, Pauline, au standard. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé et en Slovaquie. Donc autant te dire que j'étais vraiment pas bien. Mais il a fait un petit tour et puis il est revenu. Mais j'ai eu très peur et j'étais Ton mec? Ouais, il m'a abandonné. En Slovaquie? Complètement. C'est-à-dire que je suis sortie du van, je suis arrivée dans un espèce de désert où il y avait une station essence avec un peu de paille qui roulait au loin. Je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Il m'a abandonné ici. Mais c'est affreux de faire ça à Nico du bureau. Mais tous les étés, il y a des gens qui oublient leur femme sur les aires d'autoroute. Ouais, oublier. Mais alors, ça, j'ai vraiment, je suis sûr qu'il y a une excuse à ça. C'est quand t'as l'habitude, par exemple, d'aller tous les jours, ce que vous êtes en train de faire, au travail, en voiture, tout seul. Non, mais en vrai, et peut-être que moi, je suis tellement dans la lune parfois que tu peux te dire, bah, je suis habitué à être seul dans ma voiture. Mais au bout de 200 mètres, ça m'est jamais arrivé, attention. Hein. Au bout de 200 mètres, tu peux t'en rendre compte. Je veux dire, à la limite, mais là, sciemment abandonné, c'est affreux, Clément. Non, mais 200 mètres sur l'autoroute, c'est qu'il faut aller faire demi-tour, t'en as pour une demi-heure. Je vous dis pas que je l'ai fait, je l'ai pas fait, mais je veux dire, peut-être qu'il y a l'oubli, le gars est dans la lune, c'est pas forcément horrible. Paul, pardon, Laure. Oui, bonjour. Moi, j'ai oublié ma petite sœur une fois. Et en fait, j'avais pris la voiture de ma grande sœur et ça devait pas se savoir. Et en fait, comme j'ai oublié ma petite sœur à la station essence, bah, je me suis fait griller. Eh ouais. Mais vous êtes allé la rechercher ou pas? Ah bah bien sûr, ça va bien. Qu'on y aille, c'était à 8 ans là quand même. C'est pas bon. Coldplay dans un instant les copains, mais pour le moment 7h36, c'est parti, c'est le Réponse à tout. Réponse à tout. Le Réponse à tout, et oui les enfants, on leur vous pose des questions chaque matin dans la rue, c'est Clément qui s'occupe de ça. Et je leur ai demandé comment étaient selon eux les jeunes avant Internet. Qu'est-ce qu'ils faisaient les jeunes quand il n'y avait pas Internet avant? Ils dormaient, ils regardaient la télé en noir et blanc et ils lisaient des livres, truc bizarre, comme Isabelle Morini-Bosque. Ils mangeaient, après ils sortaient, après ils allaient dormir et lire des livres dans la rue, sur les bancs. Sinon ils allaient sur le Minitel. Bah ils jouaient aux cartes. Ils jouaient au Lego. Et les enfants au Capla ou au Barbie. Vaut mieux être jeune aujourd'hui ou jeune il y a 30 ans? Ah aujourd'hui c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'avant il n'y avait rien. Avant c'était tu te levais le matin, tu vas travailler, après tu rentres à la maison, tu vas dormir. Il y a les téléphones, on peut s'appeler, on peut savoir ce que les autres y font dans les autres pays. Ou... Et maintenant on peut jouer à Pokémon Go. Moi personnellement j'aurais préféré avant parce que on n'aurait pas le regret de ne pas avoir vécu dans une société où genre il y a tout ce qui vaut. J'ai rien compris ce que j'ai dit en fait. Prochaine réponse à tous, c'est dans exactement une heure sur Virgin Radio. Restez avec nous vendredi 2 septembre. Encore beaucoup de courage. Un tout nouveau personnage pour partir à New York. Il va jouer pour vous. Il s'appelle, vous connaissez Justin Bieber? Oui, bien sûr. On a créé Justin Barbu. Ah, d'accord. Ça, on dit non. Restez avec nous, Coldplay, et on revient dans un instant. Oh, interested from above. You know you make my world light up. When I was down. To lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river trotter, you came to me. Tous et bienvenue sur Virgin Radio, 8h-20, le Virgin Tonic, on est là à vos côtés jusqu'à 9h. Virgin Tonic. avec toute l'équipe qui est là. On vous souhaite du courage ce vendredi. Il en faut deux fois plus, je sais, pour démarrer votre journée, monter dans votre voiture, prendre votre douche, aller au bureau. Il y a Laure, il y a Salut. Clément. Salut. Il y a la popo Coucou. Du standard. Et aujourd'hui, vendredi 2 septembre, vous n'avez pas pu passer à côté de la journée mondiale de la barbe. Eh oui, la journée mondiale de la barbe. On la fête chaque jour avec Clément, cette barbe. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors? Non, moi je trouve que ça pue. La barbe? Oui, ça pue la barbe. Barbe longue. Et quand quelqu'un me fait la bise avec une grosse barbe, j'ai l'impression d'embrasser des cheveux. J'aime pas du tout. Non, ah, bon ah, je te jure. Ah, moi j'aime bien la barbe. Alors, journée mondiale de la barbe, on s'est dit, il faut absolument qu'on la fête. C'est important pour nous, c'est pour ça que je voudrais vous présenter et il va vous permettre de repartir avec un très beau cadeau. Justin Barbu. Justin Barbu, il est barbu. Eh oui. Du coup, quand il parle, on comprend rien du tout à ce qu'il dit. Justin Barbu. Bonjour Justin Barbu. Nous aussi on est très très contents de vous voir. Bah, j'ai une barbe donc j'arrive à peu près à comprendre ce qu'il dit. Ça va, vous avez... c'est pas trop tôt pour vous? Très barbu. très barbu. Alors Justin Barbu quand même, on plaisante mais beaucoup de pression. Vous allez chanter donc dans votre barbe, il va falloir reconnaître les morceaux. C'est Gaël qui va jouer avec nous au 39-16. Salut Gaël. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Salut, tu peux saluer Justin Barbu, Gaël. Hein. Salut Justin Barbu, eh bien, j'ai respecté aujourd'hui, j'ai laissé pousser la barbe. Hein. Ah, ouais. Bah, très bien. Ouais. Bon, Gaël, tu vas peut-être partir avec un cadeau magnifique. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la pression, parce que derrière la blague, bien on sûr. Va quand même peut-être t'envoyer à New York avec la personne de ton choix, tout frais payé pour le concert d'Adèle. Ça fait la pression, là. En tout cas, je te souhaite bonne chance, mon Gaël. Il faut que tu reconnaisses au moins deux extraits. Attention. Là, je vous dis, c'est tellement un beau cadeau. D'habitude, on offre tout. Là, on pourra pas t'aider. Hein. Faut bien te concentrer. Et sinon, on remettra les places en jeu. Je te souhaite vraiment bonne chance. Là, on pourra pas t'aider. On y va, attention. Premier extrait. Justin Barbu, vous êtes prêts? Non, alors, on y va. C'est dur. J'aime bien Justin Barbu. Alors, on dirait Clément qui lance les réponses à tout. Là, j'en suis sûr, il a mangé sa barbe, là. Ça, c'est clair, là. Il a mangé des poils. Mais il me semble avoir reconnu Imani. Je l'aurais pas eu. Ah, c'est clair. Sunshine. Je ne connais pas. Pourtant, on l'a entendu. Hein. Attention, Gaël, on y va. Deuxième extrait de Justin Barbu. Et alors, C'est le groupe de médecins qui a découvert la maladie du bouger-bouger. Voilà. On a enfin mis un nom sur cette maladie incroyable qui t'empêche de t'asseoir. Le bouger-bouger. Les amis, si vous nous rejoignez à l'instant sur Virgin Radio, on est en plein jeu du Justin Barbu. Gaël est avec nous au 39-16. Là, tout se joue. Hein. Une bonne réponse, une mauvaise. Tout va se jouer sur cette dernière question de Justin Barbu qui chante dans sa barbe. Attention. Gros cadeau hein, si vous nous rejoignez, puisqu'on joue pour des places pour Adèle à New York. Tout va se jouer là, on y va. Dernier extrait, Justin Barbu. Bonne chance à tous les deux. Voilà, c'est facile, Gaël. Attention, tu trouves celle-ci, tu pars à New York. C'est Coldplay. Rends-toi très très très vite dispo. Tu pars au Madison Square Garden de New York le 26 septembre. Ah, c'est magnifique. On te paye l'hôtel. On te paye le transport. Tu vas applaudir Adèle, mon poteau. Ah, c'est magnifique. Franchement, je vous remercie, Virgin. Oh là là, merci Camille, merci toute l'équipe. C'est un bonheur. Tu nous as fait peur, hein. Ah ouais, sur le fil. Je me suis fait peur, hein. Oh là là là là là là. Le col. Et je t'ai vu, si on, je t'ai vu partir sur autre chose, ça aurait été une catastrophe. Oui, Pauline, au standard. Il était à un cheveu de raté. Ah ah ah, c'est super beau. Oui, c'est ça. Allez, merci de quitter les lieux prestement. Merci de rendre ton badge. Rends ton arme et ton badge. C'en est fini, je te mets à la circuit. Gaël, je t'embrasse très fort, vraiment félicitations. Allez, merci. Merci à vous, ouais, merci à toute l'équipe, je suis trop content. Ben t'as un amour, bisous à toi mon poteau. On vous a offert un tour du monde pop rock électro. Voilà, pour ce lancement d'année, on vous envoie, à Chicago, on vous envoie à Ibiza, applaudir les Red Hot, applaudir Justin Bieber. C'était la dernière aujourd'hui avec Adèle. Et voilà, merci à tous ceux qui sont inscrits. On vous offrira des beaux cadeaux comme ça, rassurez-vous. Encore 4 000 € à dépenser chez But à gagner avant 9h. Et Charlie Puth tout de suite, We Don't Talk Anymore. Excellent réveil. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes. If she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. So we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame. Tous, bienvenue dans le Virgin Tonic, 8h-10, j'espère que tout va bien pour vous. Prudence si vous êtes en voiture, courage si vous êtes encore à la maison, peut-être sur la route pour déposer les enfants à l'école. Nous en tout cas on vous accompagne jusqu'à 9h, on vous lâche, on est très heureux d'être là. Toute l'équipe bien sûr, oui. Le pop rock électro de Calvin Harris qui arrive. Un loyer encore à gagner à 8h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. En plus un SMS pour le tirage de 8h20, vous inscrivez aussi pour le plus grand cadeau jamais offert sur une radio en France. On vous l'a réservé pour vous, les auditeurs du Virgin Tonic. Écoutez, on en parle tout de suite. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non, mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. Rentrez nos stress chez But. En ce moment, le lave-linge Hublot 9 kg Beko est à moins 50%. Oui, 299,99 € au lieu de 599. But, c'est nous. Mario Do.

de genre il démarre et il montre que ce genre c'est les gars les plus costauds et tout machin. Et tu dis bah mec tu vas tellement sortir vite en fait parce que les gars au début tant qu'il y a deux tribus attention faut pas tout donner. C'est bien on prend les gars forts mais dès qu'il y a une réunification le gars qui est le plus fort en fait t'es gentil vas-y prends tes abdos et tu pars. Faut qu'on reste entre nuls. Parce que, en vrai sur les poteaux c'est les gars en général c'est les gars les plus nuls en sport. Parce que si les gars bons en sport je peux te dire que c'est eux qui gagneraient les poteaux de dingue. Bien sûr Clément. Oui mais c'est les plus stratégiques. Ils ont su être deuxième ou troisième et bien s'entendre. Bah ouais. Les alliances, j'adore. Ouais. Oui, Pauline. Cette année, je suis fan absolue. C'est-à-dire que la nouvelle musique, les nouveaux lieux, tout est fou. Et alors, il y a Julie. Le lieu paradisiaque du Galapagos. Génial. Ils sont où cette année en Thaïlande, non? Oui. Bah, tout le temps, je crois que c'est dans les îles de Thaïlande. Non, ils sont au Cambodge, autant pour moi. Ils ont fait l'île de Ré une année. Bien sûr. Et l'année prochaine, c'est l'île de France. Moi, j'adore, c'est le conseil. On va faire un conseil. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. On va faire un conseil. Entre vous, vous allez faire un conseil. Ok. Nico du bureau, Laure, Clément, Ginger des réseaux, la petite Pauline au standard. On va se mettre dans l'ambiance conseil. On a la musique. Ah, oh, j'adore. C'est le seul gars qui a joué de la flûte avec en troisième qui a trouvé du taf. Aucun gars a eu des débouchés sur les cours de musique au collège. Il n'y a que ce gars, remets-le. Ce gars. Du taf. Ok, bah ouais, j'ai trouvé ma passion, c'est la flûte avec. Cette semaine sur l'île Lagardère, l'équipe du Virgin Tonic a encore perdu l'épreuve d'immunité. Lequel de ces aventuriers, ou plutôt bracassés, va être ramené à la dure réalité de la vie? Laure? Oui. La chapardeuse de riz. Nico, le paresseux stéphanois. Clément, le canari malicieux. Oui. Ginger, la libertine des réseaux. Pauline, la croqueuse d'homme mûr. Chacun à votre tour, dans la tribu Virgin Tonic, vous allez voter. C'est la difficile épreuve du conseil et vous devrez chacun votre tour justifier votre choix. Laure. Oui. La semaine a été compliquée pour vous. Oui. C'est clairement l'équipe ado. Ouais. Pour qui est-ce que vous votez, Laure? Eh bien... Écris-le sur un papier, ça fait plus vrai. Okay. C'est de la radio, mais moi, donnez-moi pendant deux minutes, je suis vraiment Denis Brogniart. Ok. Laure, pour qui est-ce que vous votez? Ah, je le dis. Bah oui. Nico du bureau. Ouais, évidemment. Pourquoi, Laure? Bon, tout simplement parce qu'on s'aime pas beaucoup. Non, je plaisante. Non, bah parce que je pense que... en fait, il est trop mou, il donne pas d'énergie à notre équipe. Il nous motive pas, en fait. Nico du bureau. Pour qui allez-vous voter? Laure. Là, vous avez tous vos votes. Après, on change pas, parce qu'en fonction de qui vote. Hein. Laure. Pourquoi Laure? Parce qu'avec tout ce qu'elle a piqué dans le bureau, elle peut ouvrir un magasin. Elle a ouvert un office dépôt. Clément. Oui. Pour qui votez-vous? Eh bien, je vais rejoindre Nico du bureau. Je vais voter contre Laure. Pour la simple et bonne raison qu'il faut éliminer parfois les meilleurs éléments. Et en termes de stratégie et de choses comme ça, c'est la plus forte d'entre nous. Elle aurait fini par voir que j'étais pas mal à me faire sauter aussi. Très bien. Je rappelle, ils ont tous écrit le nom sur le papier, ils peuvent plus changer. Hein. Ginger, pour qui votez-vous? J'adore. Cabale, on fait du jardin. Attention. Alors, Ginger, pourquoi Laure? Je vote Laure parce que, vestimentairement parlant, elle a tout donné cette semaine, sauf aujourd'hui, le dernier jour. Elle était sur une belle lancée, un bel effort, et aujourd'hui, ça s'est cassé la figure, quoi. Je vais me tourner vers la dernière aventurière. Pauline du standard. Oui. Pauline, sur les épreuves sportives, vous n'y êtes pas? Non, toujours pas. Sur les épreuves de confort, un peu plus? Le confort, j'adore. Bien sûr. Pauline. Oui. Vous avez voté, avant de connaître les votes des autres, hein, je rappelle, la bien feuille sûr. Est fermée, machin. Pauline. Pour qui avez-vous voté? Alors déjà, je voudrais dire que j'ai mis un petit soleil et un petit cœur, ils font toujours des dessins. Bien sûr. On se souvient des fois, c'est les seuls qui ne savent pas écrire Guillaume. Hein, oui, c'est vrai. Ils peuvent écrire Guillaume en deux mots. C'est comment pas, quoi. René, ils peuvent l'écrire A-I. Tout le monde s'écrit René, un bon. Alors, j'ai créé une alliance sous un seul pleureur. Alliance ethnique. Avec Laure. Donc je vote en Nico du bureau. Oui. Vous l'avez compris, il y a trois voix contre Laure et deux voix contre Nico. La tribu a voté. et leur sentence est irrévocable. Prenez votre flambeau là. Mais tu pars pas, tu votes pas toi? Moi je vote pas, je suis des Libronien. Moi je voterai au présidentiel comme tout le monde, mais là, attendant, je suis pas dedans. Elle est très bien ma tenue. Laure, les aventuriers du Virgin Tonic ont voté. Apportez-moi votre flambeau. Vous allez avoir un gage. Laure, jusqu'à la fin de l'émission. Jusqu'à la fin de l'émission, vous aurez le micro fermé. Non. Et quand on vous demandera d'entendre, il faudra crier. Non. C'est hyper drôle. Il faudra crier à chaque fois que vous voulez parler pour que ça passe dans le micro des autres. Ça commence maintenant ou pas? La tribu a voté. La sentence est irrévocable. Laure, qu'avez-vous à dire? Je m'en fous. Oh merde. J'aime bien mettre une sale ambiance comme ça. 8h01, on fait un point sur l'actu. Les amis, on est là tous ensemble, sans Laure, jusqu'à la fin de l'émission. Restez là. Et le pop rock électro de Calvin Harris, This is what you came for. Bon réveil à tous dans le Virgin Tonic. Your radio. Les infos Virgin Radio avec Jules Deremble. Bonjour à tous, bienvenue. Des températures encore estivales aujourd'hui, ciel bleu sur l'ensemble du pays, excepté sur la Bretagne où quelques averses sont possibles cet après-midi. Comme hier, c'est dans le sud qui va faire le plus chaud. 32 degrés attendus à Perpignan, 31 à Biarritz, 29 à Paris et Strasbourg. Déplacement sous très haute surveillance pour Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais. Il sera bien sûr question du camp de migrants. Plusieurs associations affirment que 10 000 personnes sont encore massées sur place. Le ministre a promis que le démantèlement de la jungle allait se poursuivre. Bernard Cazeneuve a également rencontré aujourd'hui la maire et plusieurs commerçants de la ville. La France s'immisce dans le dossier très sensible du Gabon. François Hollande appelle le pays à plus de transparence après le résultat contesté des élections présidentielles. Ali Bongo, le président sortant, assure pourtant que tout s'est déroulé de manière démocratique, ce que réfute totalement son opposant Jinping qui dénonce une fraude massive. Les affrontements se sont poursuivis à Libreville, la capitale. 1000 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. 2,6 milliards de personnes vivent sous la menace du virus Zika, conclusion d'une étude publiée dans la revue britannique The Lancet. Ça représente tout de même un tiers de l'humanité. L'Inde et la Chine sont les pays les plus concernés. Les Français serait-elle devenue des cougars? Une étude de l'INSEE révèle que près de 14% des femmes âgées de 30 à 59 ans vivent avec un homme plus jeune et dans la plupart des cas, l'écart d'âge se limite à 4 ans. Sale soirée pour Facebook, le réseau social a vu s'envoler hier 200 millions de dollars en seulement quelques secondes. La fusée du groupe SpaceX qui transportait son satellite a explosé hier lors d'un test sur la base de Cap Canaveral en Floride. Le satellite avait pour objectif de donner accès à Internet aux pays en développement. Facebook qui annonce par ailleurs l'arrivée de la vidéo en direct sur Messenger avec un objectif bien sûr concurrencer Snapchat. La fonction sera accessible après une simple mise à jour de votre système d'exploitation. Rentrée réussie pour les Bleus du foot, l'équipe de France a dompté l'Italie hier en amical à Bari. Succès 3 buts à 1 des hommes de Didier Deschamps. Martial, Giroud et Kurzawa sont les buteurs. Les Français qui sont désormais prêts à défier la Biélorussie, ce sera mardi prochain pour le début des éliminatoires au Mondial 2018. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une excellente journée. Tout de suite, le retour du Virgin Tonic avec Ami et toute sa bande. Je vous tous, 8h04, plein de gens ouvrent leur magasin, je le sais, d'autres sont encore en voiture, on dépose les enfants à l'école, sur la route du travail, prudence. En tout cas, on est très heureux que vous nous ayez choisi pour démarrer vos journées entre 6h et 9h chaque matin. Toute l'équipe est là? Oui, oui. Toute l'équipe sauf Laure. Oui. Laure est loin, loin dans le studio. Le conseil a voté, ah oui. On a fait une réunion Koh-Lanta. C'est toutes les, enfin, 3 voix contre 2. Et c'est Laure. Laure qui a été éliminée. Donc son gage, c'est de parler sans micro. Elle est loin de son micro, mais elle crie tellement fort, on dirait qu'elle a un micro, celle-ci. Ça va, Laure? Ouais, ça va bien. En fait, j'ai coupé le mien aussi maintenant quand elle parle. Comme ça, il faut vraiment qu'elle crie plus fort. Les amis, vous le savez, on vous offre le plus beau cadeau, toute radio confondue. Laure, c'est quoi? Non, l'autre cadeau. Non, on l'a offert déjà, l'autre cadeau. Non, l'autre cadeau, en fait, le gros cadeau qu'on offre dans 15 jours. Merci. Comment on s'inscrit? Merci à toi, on a rien compris. Et oui, le plus gros cadeau de toute radio confondue, c'est ça. 50 ans de loyer. Ça n'a jamais été offert sur une radio en France, peut-être même dans le monde. On va vérifier, c'est un cadeau incroyable. Vous avez une mensualité de crédit propriétaire, locataire, un loyer de 1000 euros. Eh bien, en vous inscrivant avec un seul SMS, loyer au 7-12-13, peut-être que le 16 septembre prochain, à 8h20, dans 15 jours exactement, je vous offrirai 600 000 euros. Oh là là. 1500 euros de loyer, je vous offrirai un chèque de 900 000 euros. De quoi, voilà, vraiment avoir un nouveau départ, faire des projet complètement incroyable. Et en plus, c'est important, comme pour le loyer d'ailleurs, hein, de 8h20. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie un chèque et vous le dépensez comme vous voulez, l'argent. Pas tous les mois, on vous envoie pas un chèque du loyer. C'est une fois, vous dépensez tout en une fois si vous voulez. Bref, c'est un très beau cadeau. On voulait faire ça pour fêter la rentrée. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et vous méritez des beaux cadeaux comme ça. Calvin Harris, voilà ce qui arrive dans un instant. Et pour le moment, Laure, c'est quoi 8h06? Ah, quand même! C'est bon, l'inclus, c'est parti! Question. Question de ouf! Énergie tonique! Je crois qu'on va trouver la place de Laurent. Je sais pas si on vient pas de trouver sa place. Clément! Et ce matin, dans la question de ouf, on vous a demandé quelles étaient les phrases types que vous entendez. Une phrase, il va dire. Allez, coupe ton micro aussi, toi. Allez, on va partir. Pauline! Eh ben, je sais pas ce qu'il a fait, moi. Ah, ben mince, ben rouvre ton micro. Ah, ben voilà, les phrases types des élèves. Madame, j'ai plus de place sur ma feuille. Bah, t'as qu'à écrire sur la table. Mon emploi du temps est pourri, j'ai direct 2 heures de maths le lundi matin et 1 heure de perm le vendredi. Eh, hey, t'aurais pas un stylo? Mais j'ai rien fait. Bah, c'est bien ce qu'on te reproche, mon petit. Monsieur, vous avez pas entendu, mais ça a sonné. Bah ouais, on essaie toujours de gratter 2 minutes de pause en plus. Eh, hey, t'aurais pas une feuille? Madame, on a trop de travail. Pauvre petit. Vous savez, ça va être de pire en pire chaque année jusqu'à votre retraite. Eh, hey, t'aurais pas une copie double? Mais je comprends pas, ça nous servira à quoi plus tard le théorème de Pythagore? Eh, maman, t'es pas obligé de m'accompagner jusqu'au bout, hein. Je suis un grand, je suis à l'école maintenant. Alors moi, la question que j'ai le plus entendue en tant que prof, c'est « Madame, je peux aller faire pipi ?» Eh ben franchement, j'aimerais bien un jour dire non pour voir s'ils vont vraiment se pisser dessus à force. Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses. 8h07, Calvin Harris sur Virgin Radio. Excellent réveil. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Appelle-nous, Calvin, si tu veux qu'on booste un peu ta carrière. 8h10, les amis, c'est le Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi vendredi 2 septembre, fin de semaine. On est là avec vous depuis lundi 6h et on est là chaque matin jusqu'à 9h. Courage à vous tous qui êtes encore en voiture en train de déposer les enfants à l'école. On pense très fort à vous. Et alors là, il y a une scission au sein de l'équipe. Oui. Et je suis sûr que... Alors pourquoi on en parle? Parce que je suis sûr que c'est un truc qui vous parle à vous aussi. Vous qui nous écoutez, ça vous arrive tout le temps. Il y a la scission couple. C'est libre. Ben oui. Vous voyez, alors Laure et moi, on est en couple depuis longtemps, pas ensemble, Dieu m'en garde. Oui. On est en couple. Non, reviens à ton micro, Laure, c'est bon. Je me disais, mais qui s'est fait au fond du studio? J'avais oublié qu'on l'avait puni, qu'elle avait plus de micro. Mais juste, c'est un robot, Laure. Voilà. Et donc, non, mais elle est au fond du studio. Et même moi, je l'ai regardé, je me disais, mais qui s'est fait au fond du studio? J'avais oublié la punition. Mais oui. J'avais mis au piqué, j'avais oublié. Ouais. Les amis, donc je disais, voilà, on est en couple avec Laure depuis longtemps. Notre petite Pauline, depuis pas longtemps. Eh oui, mais une vraie histoire. Une vraie histoire d'amour. William de Bordeaux, tu retournes à Bordeaux le voir. Oui. Laure et moi, on a des trucs prévus de couple. Et du coup, l'équipe fait la tête. Bah oui. Laissez libre à Nico, Clément, Ginger. Ils font la tête, ils disent, ouais, mais vous nous laissez tomber, faites toujours des trucs en couple. Bah non, mais faites des repas entre couples, entre vous. Faites ce que font tous les couples. Vous allez voir, vous êtes. Parce que vous voyez pas de l'extérieur, mais les couples, faites des trucs assez bizarres quand même. Attends, je suis juste en train de défendre le fait qu'on n'a pas le choix, mais je suis. Là, je ne peux pas te donner tort. Et sur vous qui nous écoutez, dites-nous au 3916. On est énervant. Oui. Pas les couples. Oui. Moi, le premier, il y a plein de couples qui m'énervent. Ouais. Bah oui, déjà, un couple, c'est énervant quand tu pars en vacances et que tout de suite, ils prennent la meilleure chambre. Bah, ouais. On est un couple, donc c'est un peu normal. On est deux, on prend le grand lit. Ouais. Bah, c'est normal. C'est insupportable. Mais c'est toujours ça, les couples. C'est pas normal. C'est trop énervant, Clément. Moi, les couples, ils m'énervent quand ils changent de voix. Nous, on a une voix. On appelle n'importe qui. On garde notre voix. Vous êtes là, genre, hey, Camille, dès que t'as ta chérie, tu fais ah oui, ça va. Il y a un autre truc énervant de couple. Quoi? Quand ils passent une chanson en soirée, qu'ils font c'est notre chanson. Ouais, j'adore. Oui. Pourquoi c'est ta chanson? Pourquoi elle peut pas être un peu à moi, Clément? Et après, ils ont la choré. Parce qu'ils l'ont répété 200 fois chez eux. C'est horrible. J'avais dit step one. Corinne, Nico, pardon. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est la fille qui répond à la place du mec. Tu poses une question à ton pote, tu dis ouais, tu fais quoi le week-end prochain? Et non, il fait rien. Il fait rien. Bah, on a rien de prévu, mais on va peut-être faire. Enfin voilà, c'est insupportable. C'est-à-dire que non, je pose une question à mon pote, c'est pas ta copine qui va répondre. T'es en couple, toi, l'homme. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'énervent chez les autres? Ouais. Quand ils se donnent à manger au resto. Ah, c'est vrai. Ah, je supporte pas. Oui. Non, mais ça, je fais pas. Ah, je pourrais m'énerver alors que personne n'est en train de le faire. Ah, c'est insupportable. Se donner à manger au resto, c'est insupportable, Clément. T'imagines si on faisait ça entre potes, nous? C'est avec mes potes au McDo, je leur donne un sandwich, qui me donne le mien. Tiens, prends mon nugget, prends le mien. Un croc dans mon rap. C'est très angoissant. Sigrid est avec nous. Bonjour, Sigrid. Ah. Sigrid? Ah, apparemment, on nous entend pas. Valentin est là. Bonjour, Valentin. Salut, Camille. Ah, quelqu'un qui nous entend. Ça fait plaisir. Ça va, mon poteau? Ouais, super. Mon bichon, alors, est-ce que toi aussi un truc qui t'énerve chez les couples? Ah, moi, il y a un truc, ça m'énerve, mais alors, c'est dès que tu vois, genre, le couple, il dit au revoir pour une heure et tout, j'ai l'impression que ça va être pendant un an. Ouais. Et en fait, le mec, il va juste changer ses pneus chez Naruto, tu vois. Non, mais ça. N'importe quoi, ça m'énerve. Mais ça, je te donne raison. Mais c'est tellement. Mais c'est insupportable, quoi. C'est vraiment, c'est. Bon, chérie, je vais acheter des cigarettes, je reviens. T'es à table en terrasse, et vraiment, c'est. À tout à l'heure, Pierrick. Reviens, sache que je t'aime, tu es l'homme de ma vie. Ne pars pas longtemps. Non, mais c'est à côté, le tabac et pas de. C'est insupportable, Laure. Oui, mais ça, je le fais, tu vois. J'interdis à Juju de pas m'embrasser avant de partir. Oui, mais on sait jamais ce qui arrive sur la route. Ah ouais, imagine, on se revoit plus. Pour je ne sais quelle raison. Ah, j'ai un truc encore plus énervant que tout. Quoi? Un Facebook de couple. Exactement. Ça non. Non mais en vrai, c'est insupportable, Pauline. Bah ouais, moi je trouve ça cool les Facebook de couple. Franchement, moi je trouve que là tu fais plus rien. C'est pas un répondeur, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même un peu de vie chacun. Ouais, donc, ça pas permet. C'est mon avis. Hein. On le gère mieux à deux. Mais si. Ginger. Et un truc très énervant aussi sur Facebook. Excuse-moi, toi ça risque pas d'arriver, c'est même pas ce que c'est Facebook, ton mec. C'est même pas ce que c'est Internet. Oui, petit Ginger. C'est quand les couples se font une petite conversation. Tu sais, qui commente la photo l'un de l'autre. Ah machin, ah chouchou, ah nani, à la limite, tu crées ton Facebook et tu mets en couple avec, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Fidélité, ça c'est bien. Mais un couple, un Facebook commun, c'est pas possible, Pauline. Et puis c'est bien parce que quand tu t'es engueulé avec lui, tu peux mettre c'est compliqué avec. Oh, j'aime bien. C'est complicated, là, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Oui, Clément. Non, mais il faut garder son jardin secret parce que bientôt, à ce rythme-là, on va avoir des Tinder commun. Tu sais, ils diront, tu sais quoi, 3 points plutôt avec lui. Ah non, lui. Oh, lui. Avec ma meuf, on est sur Adopte un couple. Ça se passe super bien. Écoute, 8h15, restez avec nous, mon bisou, mon Valentin. On va revenir avec Nash. I hate you, I love you. C'est exactement tout ce qu'on vient de dire. La passion. Je t'aime autant que je te hais. Restez avec nous sur Virgin, le loyer à gagner aussi à 8h20, loyer au 7-12-13 par SMS. Qui habille, colore la vie.

Trop. En image. Salut, c'est Imagine Dragons. Salut, c'est Julien Doré. Salut, c'est David Guetta. Hey guys, this is Bruno Mars. Regardez mes clips. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Chaîne 67 de votre Freebox. Chaîne 150 de votre télé SFR. Chaîne 142 de votre télé Orange. Sur Dailymotion. Et sur virginradio.fr. Regardez-nous sur Virgin Radio TV. 100% music. Virgin Radio TV. Rock Electro. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Bonjour à tous et bon réveil. Bonne tartine. C'est Clément qui vous offre le loyer de 8h20. Je suis en pleine tartine, les amis. Merci à vous tous d'être avec nous. On est là depuis 6h. On est tellement heureux de se réveiller avec vous chaque matin. Et ce beau cadeau, 6h20, 7h20, 8h20, c'est le loyer. Allez, c'est parti. Vous avez été très nombreux à vous inscrire au 7, 12, 13. Et on rappelle une personne. Maintenant, je sais absolument pas qui c'est. On va le découvrir en direct. Ah. C'est le principe d'un tirage au sort, Clément. Oui, mais des fois, toi, t'as le prénom. Et oui, si c'est un homme, une femme, si je prends ma voix d'homme ou ma voix c'est de femme. C'est un garçon, il a laissé son prénom, figure-toi. Et il s'appelle Flavien. Flav ? Oui. Comment tu vas ? Ouais, ça va, ça va. Tu m'as pas rappelé hier ? Ouais, ça va. Tu sais qui c'est ? Oui. Ah, donc la vanne ne marche pas. On va te poser tout simplement une question. Concentre-toi bien si t'as la bonne réponse. Il y a un très beau cadeau à la clé. Quelle est la hauteur du Mont Blanc ? Tu l'as pas ? Non, celui-là, je l'ai pas. C'était 4809 mètres. Deuxième question, deuxième tentative. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? C'est pas 9 mètres. C'est Virgin Radio. Ouais, yes. Bravo Flavien. Comment ça, c'est pas 9 mètres, monsieur Combal ? 4807 mètres. Non, 7 mètres. 4008... Ouais. Non, ça a grimpé. C'est 9 mètres maintenant. Ils ont perdu 2 cm. Non, non, ils ont non. gagné 2 cm. Ils ont gagné 2 cm. Ils sont à 9. Allez sur Wikipédia voir le Mont Blanc. On parie combien ? C'était 4807 à notre époque, Camille. On a raison. Ouais. En tout mais cas, Flavien. Ça a changé. Nous, on l'a appris, c'est avant la fonte glaciaire. Mmh. Voilà. 4809. Voilà. Bim. C'est moi, bim. C'est meilleur que tout le monde. Mais ouais. Non, on l'a vu. Tu sais pourquoi ? Mais continue à être un roman comme ça, tu iras sur Radio Mont Blanc. Flavien ? Oui. Bon, t'as quand même gagné ton loyer ? Bah ouais, je suis super content. T'es d'où, Flavien ? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, j'ai encore passé tout l'été, qu'est-ce que j'adore, et mes parents qui sont là-bas. Ouais, je me régale. T'habites où à Aix ? Au Mille, juste à côté. Aix-les-Milles, ouais, juste à le petit pôle d'activité. Hein. Ouais, c'est l'endroit où on peut trouver nos autos, le garage Range Rover, BMW, le Carrefour. Carrefour des Milles, bien sûr. Exactement, ouais. Flavien, il y a tous les gens d'Aix qui sont contents, mais tous les autres quand même qui se disent on s'en fout de des Milles. Mon Flavien, il est de combien ton loyer ? 620 euros. Alors sache que ça, c'est gagné. Je te fais un chèque, tu le dépenses comme tu veux. Et en plus, grâce au SMS que tu m'as envoyé pour t'inscrire là maintenant, ils sont en plus comptabilisés. Et t'as la même chance que tout le monde, que vous tous qui n'avez pas été tirés au sort, d'être retirés au sort vendredi 16 septembre à 8h20. Je t'offrirai 50 ans de loyer. Je te ferai un chèque de 372 000 euros. Oh là là. Ouais, super. C'est pas mal, non ? Ouais, ça serait bien. Eh ben, je suis très heureux, mon Flavien. Je te fais des bisous. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, moi je vous écoute tous les matins, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Oh, c'est trop sympa, vraiment ça me fait plaisir. Merci à tous les gens d'Aix, pareil, qui m'ont on a croisé cet été, ils ont été adorables. On a fait notre dernière de l'an passé à Aix, tu sais qu'on était à Aix pour la dernière, Flavien. J'avais entendu une part. Mais voilà, on était là-bas, on s'est marré, Je t'embrasse mon Flav. Ok, ben merci beaucoup. Merci à toi d'être passé sur l'antenne. Et encore bravo. C'est ce que j'aimerais qu'on fasse dans un instant. Non. Ça m'a rappelé là, ces musiques un peu bizarres. J'adore cette chanson. Est-ce que ça vous dirait qu'on fait tous, on triche pas, hein. Et vous tous qui nous écoutez aussi, on a le temps de sortir les extraits comme ça. Appelez-nous, dites-nous, là vous allez, donc ça marche sur Deezer, ça marche sur iPhone. Vous nous dites, parmi vos morceaux les plus écoutés, le numéro 1. Okay. Le morceau que vous écoutez le plus, donc sur votre iPhone, sur Deezer, peu importe, il y a toujours les classements, le morceau, celui que vous écoutez le plus. Ouais. Vous venez nous le dire, on a le temps de le mettre de côté, on les écoute tous ensemble. Cool. C'est-à-dire que c'est un peu notre morceau préféré de notre iPod. Okay. C'est génial. Ouais. On fait ça dans un instant sur Virgin Radio. Le temps d'écouter Gnash, I Hate You, I Love You. C'est magnifique ce morceau. Excellent réveil à tous. Belle matinée sur Virgin Radio. I miss you when I can't sleep. right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that. I put this real out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She is the only thing you've ever seen. How is it you never noticed slowly killing me? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Excellent réveil à vous tous, merci de nous avoir choisi. Belle matinée, 8h27 sur Virgin Radio. Et le Virgin Tonic jusqu'à 9h. Laure, Clément, yes. La Pauline. Au standard le 3916, vous êtes très nombreux à nous appeler. On a décidé comme ça pour se marier, avant de vous offrir un 4000€ à dépenser chez But, on s'est dit pourquoi on partagerait pas tous ensemble le morceau qu'on écoute le plus sur notre baladeur, sur notre iPod, alors que ce soit sur Deezer, peu importe. On a tous une playlist et il y a toujours le classement de celles qu'on écoute le plus. On s'amuse à le faire dans l'équipe. Vous aussi au 3916. Bon, moi, bon tir, c'est ça. C'est le numéro 1. Mais même moi, je suis surpris. Je vous promets, en numéro 3, 4, il y a des vrais bons trucs. Hein. Mais la chanson que j'écoute le plus sur mon iPod, c'est celle-là, Clément. C'est peut-être parce qu'on l'a mis 200 fois à Aix en soi. Ouais, c'est pas possible. Quand j'avais pris la mer, vous y venez. J'ai sorti la grand voile. Entre 6h et 9h, Virgin Radio, pop, rock et Céline Dion. Je l'ai déjà dit. Faites-moi ce jingle. Pop, rock et Céline Dion. Tiens, il y a Jules qui nous a appelé, Nadège aussi. Salut tous les deux. Bonjour l'équipe, bonjour la France. Salut, Juju. Dis-moi mon pote, quel est le morceau? Alors toi t'as eu le temps de vérifier et on a eu le temps de le mettre de côté, qui est numéro 1 sur ton iPod. Alors moi j'ai un petit peu honte. En fait donc le numéro 1 sur mon iPhone, moi c'est les 10 mois des BB Brunes. Ouais, génial. En fait j'ai tellement écouté ces 3 dernières années qu'il est toujours parti mon top 3. Et en fait j'ai tellement honte, quand mes potes regardent, je leur dis bah ça doit sûrement être un bug. Oh là là, je l'adore moi, je l'adore celui-là. Il est bien. Ah, il est bien. Quand tu es là, je suis sûr, il est dans mon top 10. Nadège, c'est quoi toi, ma chérie? Alors, salut, ouais, moi, écoute, tu vas peut-être pas adorer. Moi, c'est Sacré comme jamais de Maître Gims. J'adore. Alors, au début, honnêtement, je pouvais pas supporter cette chanson. Et puis, j'ai vu le clip aux Victoires de la musique. J'ai adoré. Depuis, je suis fan. J'assume pas du tout, mais je suis fan. J'adore, moi. Mais oui. Ah, bon, ça va, alors. Sacré comme jamais, Loulou Nicolas. Loulou Nicolas. Oh, j'adore. Cool. Non mais j'adore Maître Gims, ça pète comme jamais. Après il est pas numéro 1 comme, il est pas dans mon iPod, mais il est pas numéro 1. Bah, après bon, on peut pas tout savoir du bon goût et aimer Céline Dion. Tiens, on va prendre quelqu'un de l'équipe. Pauline, tiens, ton numéro 1 à toi c'est quoi? Moi c'est Sing de Travis, parce que je suis hyper romantique. De Travis. Travis. C'est mon numéro 1. Ouais, je crois que c'est ce que j'écoute le plus en fait chez moi. Justing. C'est pas difficile à retenir, tu vois, en parole. C'est simple. Ouais. En parole, c'est très simple. Laure, c'est quoi? Bah, c'est Justin Bieber. Bah, ok. Bah oui, parce que c'est ma fille qui faisait le DJ dans la voiture cet été. Donc c'est là, en ce moment, c'est la numéro 1. Ouais. Justin Bieber. Ah, c'est ça là en plus. Elle est bien celle-là. C'est pas Justin Bieber. Si, avec DJ Snake. DJ Snake, ouais. Ah bon? Hey, mets-toi. Déjà, pour être à la page, faut plus dire à la page. Je suis à preuve du contraire. J'ai aucun jeune de 13 ans qui dit hey, t'es pas à la page. Et alors, Clément, quand même, on a eu Jules, on a eu Nadège, on a eu tout le monde. Clément, ton numéro. Mais trichez pas, hein, le vrai numéro. Ah, ouais. Mais moi, j'étais chargé que cet été, c'est Kungs. Parce que je l'ai mis que cet été, 10h. Et celle que j'ai écoutée à fond, c'est celle-ci. Bah ça marche. Génial. Ça marche tout le temps à toute heure de la journée, de la nuit. En fait, vous êtes en train de me dire que je suis le seul ringard de l'équipe? Oui. Bah, très bien, très bien, merci. Jules Nadège, je vous embrasse encore très fort, restez avec nous. 8h31, on fait un point sur l'actu comme tous les matins. Et on va revenir dans un instant avec Serge Peretta, I Cry dans le Virgin Tonic. Bon réveil. Excusez-moi, quel est le plat du jour? Eh bien, le plat du jour, c'est... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les côtes de porc origine France sont à 2,49€ le kilo chez Netto. 2,49€. Ah, l'air discount, la bonne affaire du jour. Netto, le discounter qui fait la différence. Échine carré filet, barquette de 3 kilos environ. Info Virgin Radio avec Jules Deramble. Bonjour à tous, bienvenue. Des températures encore estivales aujourd'hui, ciel bleu sur l'ensemble du pays, excepté sur la Bretagne où quelques averses sont possibles cet après-midi. Et comme hier, c'est dans le sud qu'il va faire le plus chaud, 32 degrés attendus à Perpigny, 31 du côté de Biarritz, 29 à Paris et Strasbourg, 28 à Limoges. Déplacement sous haute surveillance pour Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais. Il sera bien sûr question du camp de migrants. Plusieurs associations affirment que 10 000 personnes sont encore et toujours massées sur place. Le ministre a promis que le démantèlement de la jungle allait se poursuivre. Bernard Cazeneuve a également rencontré la maire ainsi que plusieurs commerçants de la ville. La France s'immisce dans le dossier très sensible du Gabon. François Hollande appelle le pays à plus de transparence après le résultat contesté des élections présidentielles. Bongo, le président sortant, assure pourtant que tout s'est déroulé de manière démocratique, ce que réfute totalement son opposant Jean Ping, qui dénonce lui une fraude massive. Les affrontements se sont poursuivis hier à Libreville, la capitale. 1000 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures. Sale soirée pour Facebook, le réseau social a vu s'envoler 200 millions de dollars en seulement quelques secondes. La faute à cette fusée du groupe SpaceX qui transportait son satellite et qui a explosé hier lors d'un test sur la base de Cap Canaveral en Floride. Le satellite avait pour objectif de donner accès au Internet aux pays en développement. Facebook qui annonce par ailleurs l'arrivée de la vidéo en direct sur Messenger avec un objectif concurrencé Snapchat. La fonction sera accessible après une mise à jour de votre système d'exploitation. Les sports et cette belle rentrée réussie pour les Bleus du foot. L'équipe de France a dominé l'Italie hier en amical à Bari. Succès 3-1 des hommes de Didier Deschamps. Martial, Giroud et Kurzawa sont les buteurs. Les Français sont désormais prêts à défier la Biélorussie. Ce sera mardi prochain pour le début des qualifications au Mondial 2018. L'US Open de tennis à présent déception pour Jérémy Chardy, sorti dès le deuxième tour ce matin. Le Français a été battu en 5 manches par le Bulgare Dimitrov. Chardy menait pourtant 2-7-0. Nicolas Mahut, lui, a dominé son pote Paul-Henri Mathieu pour filer au troisième tour. Chez les filles, qualification de Caroline Garcia. C'est terminé en revanche pour Kristina Mladenovic. Et puis il y a aussi de la Formule 1. Ce week-end, le Grand Prix d'Italie sur l'autodrome de Monza. Les premiers essais libres ce matin, les qualifs demain et la course, bien sûr, ce sera dimanche. Excellente journée à tous. Belle matinée à vous tous, 8h34, vous avez choisi Virgin Radio, vous avez bien fait. Courage à ceux qui sont en voiture, peut-être encore en train de déposer les enfants à l'école. C'est vraiment, là on est dans les dernières secondes. Ah là, oui, c'est du parachutage hein, d'enfants là devant l'école. Courage en tout cas, je sais que c'est redevenu votre quotidien. On pense très très fort à vous et vous avez bien fait de choisir Virgin Radio. Eh oui, votre loyer, toutes les heures, 50 ans de loyer à gagner le 16 septembre. Et ce matin là, avant 9h, dans 10 minutes à peine, on vous offre

Et on retrouve Laetitia au 3916 qui a eu la chance d'être tirée au sort. Salut tout le monde. Salut. Salut Laetitia, ma belle, attention, on va jouer avec toi. Ça va pas être simple puisque c'est l'équipe qui doit te faire gagner. D'accord. Oui. Le principe, il est très simple. Oui. Je vais te poser trois questions. Ok. D'accord. Je vais te poser trois questions d'actu. Et ensuite, tu devras me dire qui, selon toi, a la bonne réponse ou peut-être n'a pas la bonne réponse. Bien sûr. Donc tu devras parier dans l'équipe, voilà, sur tous ces bras cassés. Et si tu remportes un point, ce sera gagné pour toi. Je vais demander à toute l'équipe de quitter le studio. Okay. Le temps que je pose les trois questions à Laetitia pour ne pas que vous entendiez, bien sûr. Salut à tous. Vous ne manquerez pas. Attention, Laetitia, voilà les trois questions que je vais te poser. Première question, je rappelle hein, que toi tu es la bonne réponse, ça ne change rien. Il va juste falloir parier. Ok. La première question que je vais te poser, attention, là, elles sont trop faciles. Combien d'albums a sorti Justin Bieber? Ça c'est la première question. Ouais. D'après toi, dans l'équipe, qui peut avoir la bonne réponse? Peut-être Pauline. Popo, très bien. C'est ton pari. Pauline, la bonne réponse là-dessus. Ensuite, je vais te demander quel est le plus grand pays traversé par l'Amazone. Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse. Clément. Très bien. Et enfin, je vais te demander comment est-ce qu'on appelle les soldats vétérans de Napoléon. Et je vais te demander de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Ah, quelqu'un qui a la bonne réponse. Eh oui. J'hésite entre Laure et Clément, du coup. Dis-moi. Moi, je l'aurais pas eu, je vais être honnête avec toi. Tu mets Laure ? Ouais, là. Très bien. Alors, attention, on les fait re-rentrer. Et donc, je rappelle, là, ils sont en train de rentrer, vous qui nous suivez en direct sur Virgin Radio. J'ai posé trois questions, vous ne les connaissez pas. Et surtout, vous ne savez pas si je lui ai demandé de trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Ou la mauvaise. Ouais, c'est ça. La mauvaise réponse. C'est vrai, il ne connaît pas la bonne réponse. Alors, attention. Je vais commencer par jouer avec Laure. Ah. Laure, j'ai posé une question à Laetitia. Ouais. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on appelle les soldats vétérans de Napoléon. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'ignores, Laure? Écoute, je l'ignore, mais j'ai quand même une réponse, que moi j'ai réponse à tout. C'est quoi? Les poilus? Non. Non, ça c'est pas en 14-18. C'est où les labradors? Mais non. Et il fallait malheureusement trouver quelqu'un qui a la bonne réponse. Elle pensait que tu aurais la bonne réponse. Ah, je suis désolée. Je lui ai dit qu'elle mise pas trop sur celle-là quand même. Je suis désolée. Et c'était leur nom, c'était quoi? C'était les Grognards. Denis Grognard. Petit peu d'humour, détend toujours un peu l'atmosphère. La deuxième question, elle va concerner Pauline. Ah. Pauline. Oui. Laetitia a parié sur toi. Je lui ai demandé combien d'albums a sorti Justin Bieber. Justin Bieber, bon, il a commencé quand il avait, je crois, 11 ans, quelque chose comme ça. Il a dû en sortir 4. 4 ? Ah, putain, peut-être 5. 4. 4. 4 albums. 4 ou 5, faut te décider. 5. C'est validé ? Ouais. J'ai demandé combien d'albums a sorti Justin Bieber ? C'était 4. Oh. T'es pas passé loin, c'était 4. Et malheureusement, on cherchait quelqu'un qui a la bonne réponse. Oh non, la non, bonne non. réponse. C'était tout. Pardon, Laetitia. 8h44, vous nous rejoignez peut-être tout juste sur Virgin Radio. Soyez les bienvenus. On est en plein jeu de Paris d'amis. C'est-à-dire, vous pariez sur quelqu'un de l'équipe. Mais vous pouvez parier sur le fait qu'il ait la bonne ou la mauvaise réponse. Laetitia doit avoir un point pour repartir avec 4000 euros à dépenser chez But. C'est le cadeau qu'on vous offre dans le Virgin Tonic. Chaque matin, 6h, 9h. Attention! Le dernier pari est pour Clément. Elle a parié sur toi, Laetitia. Elle compte sur toi. Peut-être qu'elle a parié que tu aurais la mauvaise réponse. Oui. Peut-être la bonne. La question, la voici. Quel est le plus grand pays traversé par l'Amazone ? C'est dur. Bah, je pense que ça me paraît tout simple, c'est le Brésil. Tu dis le Brésil ? Oui, je dis le Brésil et je pense que c'est... Je pense qu'elle a... savait que j'avais une bonne réponse. Quand j'ai haut, je suis pas trop je mal. Je pense. En tout cas, je vais dire le plus grand pays traversé par l'Amazon. Bravo Clément, c'est le Brésil. Ouais. Le problème, c'est qu'elle avait parié que tu aurais une mauvaise réponse. Laetitia avait parié que tu aurais une mauvaise réponse. Je suis désolé. Elle avait misé sur l'or qui avait une mauvaise réponse. Elle a misé sur Pauline qui a eu une mauvaise réponse, pas loin. À deux doigts. Et elle n'a pas cru en toi. Ouais, mais et la chose, c'est mon truc. Elle a avoir une bonne réponse. Ah, qu'est-ce qu'il est injuste ce jeu. Ah, c'est horrible. Je suis désolé, c'est Laetitia. C'est dégoûtant. On peut pas en faire une. Laetitia ? Oui. T'es déçue. Je suis désolé. Oh là là. T'es déçue, Laetitia ? Ouais. Bah oui, forcément. On peut pas refaire une question. On va refaire une tournée. Ah ouais. Tournée générale. Ouais, ouais. Reste avec nous, on écoute Justin Timberlake et on va refaire une tournée. J'aime bien ce jeu. Ah, j'aime bien ce jeu. Ouais. J'aime bien ce jeu. Oh là là, alerte, j'aime bien. Alerte, j'aime bien. J'aime bien ce jeu. 8h46, reste avec nous. En plus, c'est bien, c'est un moment sans l'équipe. Ce qui ne gâche rien. Merci d'être là sur Virgin. Virgin Tonic. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move. Offert ce matin, on a envoyé Gaël à New York voir Adèle. On vous a offert des iPad mini. Voilà, on passe une matinée de fou et on est avec Laetitia. On n'arrive pas à lui faire gagner 4000 euros à dépenser chez But. Ah ouais. Elle a trop fait confiance à cette équipe. Elle n'est pas passée loin avec Pauline. Si vous nous rejoignez, c'était le pari d'amis. Elle doit miser sur l'équipe en pensant s'ils auront ou pas la bonne réponse. On rejoue avec toi, Laetitia, dans quelques secondes, d'accord ? Ok. Vous restez avec nous. On va aussi se faire, on fera ça le vendredi, une grande chanson qu'on a écrite, qu'on va chanter avec toute l'équipe, qui résume un petit peu toute la semaine passée avec vous. Génial. On adore chanter, on adore la semaine. Ça tombe bien, ça va prendre la semaine. Restez là, ça va arriver dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite encore un excellent réveil, une belle matinée à tous. Le son de Adèle, justement, hein, Send Me Love, le tout nouveau, qu'on va vous faire écouter dans deux secondes. Ne bougez pas. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tonic. Virgin Tonic.

Belle matinée à vous tous, à 9h05, le Virgin Tonic est loin d'être fini. On a préparé une chanson, la chanson de la semaine qui résume tout ce qu'on a vécu cette semaine à vos côtés, notre semaine de rentrée. Depuis lundi, on a offert 10 252 euros de loyer. On a offert tout ça, retour du loyer bien sûr, lundi, 6h20. Et puis, c'est 50 ans de loyer, c'est à gagner vendredi 16 septembre. C'est le plus gros cadeau, jamais offert sur une radio en France. Mais pour le moment, on a un autre beau cadeau, 4000 euros. 4000 euros à dépenser dans les magasins buts. On n'arrive pas à faire gagner Laetitia. Tu es de retour, Laetitia ? Oui, je suis là. Laetitia, 3 tentatives, 3 échecs. On va essayer. On a... Là, je te dis sincèrement, si on n'y arrive pas, on ne pourra pas te l'offrir. D'accord. Mais on t'a donné une deuxième chance. Tu vas pouvoir rejouer à ce tout nouveau jeu qu'on a inauguré ce matin entre 6h et 7h. C'est le jeu du Paris d'Annie. Virgin Tonic. Clément, Ginger, Laure, Folie, Nico du bureau. Le pari d'amis. Alors, c'est compliqué le pari d'amis, hein. C'est un peu piégeux, puisque tu dois. Alors, l'équipe va sortir du studio. Comment c'est à sortir, okay. Tiens, d'ailleurs, toute l'équipe. Allez, on sort. Donc, sort Laure, Clément, Pauline, bien sûr, Nico du bureau aussi, Ginger des réseaux sociaux. Et je vais te poser des questions de culture générale. Que tu aies la bonne réponse ou pas, peu importe, ça ne change rien. Ce que tu dois. C'est parier sur quelqu'un qui a la bonne réponse ou qui a la mauvaise réponse. Ok. D'accord. Je vais te poser 3 questions et parmi ces 3, il faut au moins qu'il y ait une personne de l'équipe qui puisse t'aider. Ok. Attention. Première question. La voici. Combien mesure Arnold Schwarzenegger ? Et je veux quelqu'un qui ait la bonne réponse. La bonne réponse ? Tu paries sur qui ? Ginger ? On parie sur Ginger. On verra si elle a, je rappelle, la bonne réponse. Ensuite, je vais te poser une autre question. Je vais te demander qui a écrit le livre Le Petit Prince. D'accord ? Laure. Mais je veux te trouver quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Ah, c'est la mauvaise réponse. Nico. Et enfin, je voudrais que tu me trouves quelqu'un qui a la bonne réponse à cette question. Quel est le plus gros animal du monde ? Clément. Je vois pas de cause à effet. Enfin, j'espère pas pour lui. Mais en tout cas, c'est sur lui que tu mises. Vous rentrez l'équipe. Ils discutent, ils me voient même plus. Non, mais discutez si vous voulez. Hein. Regardez même pas quand je vous appelle. Ils tapent là, tu vois, ils prennent des selfies pénins. 3 heures, je les appelle. Très bien. Laetitia, attention. Ne regardez pas les questions, Vous l'avez compris, l'équipe rejoint dans le studio. Laetitia a parié sur 3 d'entre vous. Ouais. Peut-être que je lui ai demandé de trouver quelqu'un qui avait la bonne réponse, peut-être quelqu'un qui avait la mauvaise réponse. Ouais. Quoi qu'il arrive, vous connaissez, hein, si vous avez la réponse, vous la donnez. Et vous verrez bien. Ouais. Attention. On va commencer par Ginger. Ginger, on a parié sur toi, elle a parié sur toi. Laetitia, elle croit en toi. Ouais. Je vais lui demander la mesure exacte d'Arnold Schwarzenegger. Mesure exacte d'Arnold Schwarzenegger. Ah. D'après toi. Vous m'êtes prêt quand même, non? Je dirais 16 mètres. Ouais. Non, c'est moins. Non, c'est moins. Pardon, au centimètre. Non, on peut pas. Non. 1m88. J'aurais dit 6. J'aurais dit 5. Bien, sachez qu'aucun d'entre vous aurait eu la bonne réponse. La bonne réponse, Arnold Schwarzenegger mesure 1m98. Ah ouais, il est immense. Wow. Et j'avais demandé de trouver quelqu'un qui avait la bonne réponse. Oh là là. C'est donc perdu, pour le moment. Oh là là. Une chance sur 3 d'éliminer. On continue avec Nico du bureau. Elle a changé ses têtes. Hein. On sent qu'elle était déçue par le rep Pauline. Ouais. C'est bon. Surtout moi. La question, c'est une question de littérature. C'est pour ça qu'elle s'est tournée vers Nico. Ouais. Mais il bouquine. Ouais. Qui a écrit Le Petit Prince ? Oh, facile. Oh. Oh. Tellement simple. Sérieux ? C'est la question. Alors, j'espère surtout qu'elle a parié que j'allais la bonne réponse quand même, parce que c'est Antoine de Saint-Exupéry. C'est oui. Antoine de Saint-Exupéry, mais on cherchait quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Oh non ! Je savais, fallait qu'il réponde faux. Non. Quand vous avez avant, vous répondez quoi qu'il arrive. Ah ouais. Après, elle pense que quelqu'un n'aurait pas la bonne réponse. Elle pensait que Nico n'aurait pas la bonne réponse. Oh. Et Nico avait la bonne réponse. J'étais sûr qu'il l'aurait. Et le dernier pari. Là, maintenant, ma chérie, c'est mal barré. Hein. Oui, je sais. 2 sur 3, c'est la dernière chance pour toi de gagner ces 4000 euros chez But. Voilà, on peut plus, ça fait 3 fois qu'on joue. Attention. Ouais. Et c'est sur Clément qu'elle. Oh là là, désolé. En plus, je vous dis sincèrement, s'ils font, on les remettra en jeu lundi. Oh là, là, on pourra pas parce qu'il y a tellement de gens qui veulent gagner ce cadeau qu'on sera obligé de le remettre en jeu. Tu m'en voudras pas, Letty, j'aurais tout fait. Hein. D'accord. J'aurais tout essayé. Oui. Clément, la question, la voici. Oui. J'ai demandé à Laetitia de trouver quelqu'un pour répondre à cette question. Quel est le plus gros animal au monde? Ah, je sais. Alors, je vous dis, hein. Alors, attendez. Je rappelle quand même que j'ai pu lui demander, trouve quelqu'un qui a la bonne réponse ou quelqu'un qui a la mauvaise réponse. Quoi qu'il arrive, répondez ce que vous pensez. Vous ne saurez après si je lui ai demandé bonne ou mauvaise. Je pense avoir la bonne réponse, je pense. Ah ben, faut donner ta réponse. Donc je donne ma réponse. Le plus grand animal au monde, pour moi, c'est... On compte tous les animaux, hein. Ça peut être des mammifères. Non, on enlève... Non, mais ça peut être tout. Moi, je pense à la baleine. Animaux marins. Déjà, Clément, tu notes que cette question, elle t'a choisi, toi. Oui, parce que il faut savoir que tout à l'heure, elle pensait que je me plantais. Et j'ai dit la bonne réponse. Donc là, si elle l'a pris, moi... Non, mais la baleine est validée. La baleine est validée. La bonne réponse, je vous l'accepte, parce que je suis sympa. La bonne réponse, c'est la baleine bleue. Ou baleine. Et on cherchait quelqu'un qui a la bonne réponse. Ouais. Oh là là. J'ai failli dire l'éléphant au début. T'es contente, je crois, ma belle. Je sais pas comment. Bah, il a trop fait flipper. Il est trop flippant, ce jeu. Génial. Franchement, il a failli accoucher sur place. Alors, je suis même pas enceinte. Ah, t'es enceinte, ma belle. Oui, bah, oui. Décembre. C'est pour décembre, ah bah alors génial pour la, pour la chambre du... Pour la chambre du bébé, exactement. Oh, génial. Ah bah alors ça tombe pile, on est tellement heureux. Bah tu sais quoi, t'aurais dit avant, t'aurais fait gagner tout de suite. On est très heureux de t'offrir ce cadeau, ma belle, 4000 euros à dépenser chez But, d'accord? Oui, merci beaucoup. Bah merci à toi, ma chérie, on est très très très heureux. Ça va? Oui, ça va, merci infiniment. Je sais pas comment vous remercier, en fait, merci beaucoup. Bah t'es un amour, ma chérie. Bah écoute, voilà, sois heureuse, embrasse ton chéri et oui, puis on sera heureux, comme ça vous avez une nouvelle chambre. Des bisous, ma belle, bisous, ma petite Laetitia. On passe à la chanson de la semaine, c'est parti. Enfin, le jingle, si. Mais non, bon, bien sûr. Non, j'étais parti pour le faire en live. C'est la chanson de la semaine. Mais ce qui est fou, c'est que chaque fois que je m'attends pas à ce qu'un jingle, on me dit, au fait, on a fait un jingle pour ça. Et dès que je vois un jingle, c'est bah non, qu'est-ce qu'il y a, Robin? Bah c'est quasiment un jingle, ça. Voilà. Ça passe pour tout, quoi, surtout. Hein. C'est-à-dire vraiment pour tout. Les amis, la chanson de la semaine, nouveau rendez-vous, c'est très simple. C'est Nico Boule, musicien de l'équipe, qui a la guitare. On a tous gratté ça ensemble, là, sur un coin de table, dans une bodega. Et on fait, voilà, on revient sur tous les bons moments qu'on a passés avec vous. C'est une sorte de grand résumé de notre semaine radio à vos côtés. On essaiera de faire ça tous les vendredis, juste avant un dernier point sur l'actu. Et avant que Pierre-Alex vous accompagne, bien sûr, avec le pop-rock électro. C'est parti. Yes, we play. Cette semaine, t'as peut-être raté des choses. Cette semaine, oh, il s'en est passé des choses. Cette semaine, t'as peut-être raté des choses. Cette semaine, on va déjà être. C'était notre rentrée. Quel gros kiff, on a vous retrouvé. On a appris Pauline, ça y est, elle est maquée. Avec un vieux monsieur, très très âgé. Il s'en est passé des choses. Cette semaine, t'as peut-être raté des choses. Cette semaine, il s'en est passé des choses. Cette semaine, mais t'as peut-être raté des choses. Cette semaine, on vous a annoncé que vous alliez gagner. Dans 2 semaines, 50 ans de loyer. Et ce matin, enfin, on a pu constater que Nico du bureau s'est mis au boulot. Ouais, c'est gratos, hein. Ça va bien passer les choses. Cette semaine, t'as peut-être raté des choses. Comment ça ? Cette semaine, ouais, il s'en est passé des choses. Cette semaine, mais t'as peut-être un des choses. Cette semaine, un Pokémon Go Ginger qui est au niveau 17. On se demande plus pourquoi elle a pas de mec. Je suis plutôt au niveau 18, presque 19 en fait. Ah, ok, ok, si tu veux, pas de problème. Niveau 18, bon bah, c'est pas pour demain. Le prochain Covid, bisous. On a offert 10 250 € de loyer. Frédéric, Fabrice, Romain, Déborah, Anthony, Eva, Amandine, Florence, Nathalie, Elodie, Nadège et Flavien. Et on a imaginé la future femme de Clément. Et on s'est dit qu'elle, bah elle l'imaginait pas. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Et on vous souhaite un excellent week-end. Oh, oh, oh. Mais quel talent, mais quel talent. Nico Bou, le musicien de l'équipe, toute l'équipe. Bravo, bravo, j'adore. J'en ai passé j'ai adoré. On va revenir avec encore plein d'autres choses. On va encore se créer plein de nouveaux souvenirs la semaine prochaine entre 6h et 9h chaque matin sur Virgin Radio. Les podcasts à retrouver bien sûr sur iTunes. On a mis 3 ans chez Virgin Radio, mais je crois qu'on est au top là, sur les... Je crois qu'on a enfin réussi à mettre des podcasts en ligne. C'est l'événement. On va boire le champagne. La semaine prochaine, on vous offre des packs PS4. On vous offre des places pour l'électrochoc. Soyez avec nous d'ailleurs, hein. Lundi 7h30, on vous annoncera une énorme surprise. On essaie là dans le week-end de confirmer un artiste énorme. Je vous annoncerai, j'espère, ça lundi à 7h30. On vous offrira aussi des séjours à la mer ou à la montagne. Et puis c'est 50 ans de loyer, hein. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Vous pouvez même vous inscrire dans le week-end si ça vous dit. Quoi qu'il arrive, ça augmente vos chances d'être tiré au sort le 16 septembre pour le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. Est-ce qu'on serait pas une question de ouf aussi lundi matin? Allez, avec plaisir. 0184 07 08 09. N'hésitez pas à laisser vos messages. Quelle est l'expression dans la langue française que t'as jamais vraiment compris? Tu sais pas pourquoi elle est là? Comprise. Bien sûr. Pas sûr. Ah, oh, si, sûr. Ah ouais, si. Une expression. On verra ça quand même. Mais tu connais pas la hauteur du Mont Blanc, toi? Tu vas pas commencer à nous donner une leçon de grammaire. 4807 mètres, monsieur. Mais non, c'est 9, on t'a dit. C'est à cause de la tectonique. Mets-toi des plaques. À la page. Nico du bureau. Et puis le plus gros animal du monde, quand même, elle a dit, c'était la première à dire, moi je sais. Et après, elle me l'a dit dans l'oreille, une girafe. C'est grand, une girafe. Oui, mais c'est pas le plus en fait. Ouais, c'est pour une baleine, ça peut faire jusqu'à genre 18 mètres, je crois. Alors, c'est énorme. Qu'est-ce que t'as à dire à ça alors? Je connais une girafe de 18 mètres, monsieur. Les amis, on va être très heureux de vous retrouver lundi. C'est parti, Pierre Alès pour le Pop Rock Electro. Juste avant, un dernier point sur l'actu, bien sûr. Et on commencera tout ça avec le nouveau Adèle. On vous a offert des places aussi pour aller l'applaudir à New York. C'est Gaël qui a eu la chance de gagner ce beau cadeau. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, 6h. Ciao. Ciao. Radio. Virgin. Your radio. Pop rock. Electro. Les infos Virgin Radio avec Jules Deremble. Bonjour à tous, bienvenue. Des températures encore très estivales aujourd'hui. Ciel bleu sur l'ensemble du pays, excepté ce matin sur la Bretagne où quelques averses seront possibles comme hier. C'est dans le sud qu'il va faire le plus chaud. 32 degrés attendus à Perpignan, 31 à Biarritz et Marseille, 29 à Paris et Strasbourg. Déplacement sous très haute surveillance pour Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur se rend aujourd'hui à Calais. Il sera bien sûr question du camp de migrants. Plusieurs associations affirment que 10 000 personnes sont encore massées sur place. Le ministre a promis que le démantèlement de la jungle allait se poursuivre progressivement. Bernard Cazeneuve a également rencontré aujourd'hui la maire ainsi que plusieurs commerçants de la ville. La France s'immisce dans le dossier sensible du Gabon. François Hollande appelle le pays à plus de transparence après le résultat contesté des élections